Cinquième chapitre. Chez Monsieur le Marquis. Au rayon d'une belle matinée, le château de Bruyères se développait de la façon la plus avantageuse du monde. Les domaines du marquis, situés sur l'ourlet de la lande, se trouvaient en pleine terre végétale, et le sable infertile poussait ses dernières vagues blanches contre les murailles du parc. Un air de prospérité formant un parfait contraste avec la misère des alentours réjouissait agréablement la vue dès qu'on y mettait le pied. C'était comme une île macarée au milieu d'un océan de désolation. Un seau de loup, revêtu d'un beau parement de pierre, déterminait l'enceinte du château sans le masquer. Dans un fossé miroitait en carreau vert une eau brillante et vive, dont aucune herbe aquatique n'altérait la pureté et qui témoignait d'un soigneux entretien. Pour la traverser se présentait un pont de briques et de pierre assez large pour que deux carrosses y pussent rouler de front et garnis de garde-fous à balustres. Ce pont aboutissait à une magnifique grille en fer battu, vrai monument de serrurerie que l'on aurait cru façonné du propre marteau de Vulcain. Les portes s'accrochaient à deux piliers de métal quadrangulaire, travaillés et fouillés à jour, simulant un ordre d'architecture et portant une architrave au-dessus de laquelle s'épanouissait un buisson de rinceaux contourné, d'où partaient des feuillages et des fleurs, se recourbant avec des symétries antithétiques. Au centre de ce fouillis ornemental rayonnait le blason du marquis, qui portait d'or à la face bretessée et contre-bretessée de gueule, avec deux hommes sauvages pour support. De chaque côté de la grille se hérissaient sur des volutes en accolade, pareils à ces traits de plume que les calligraphes tracent sur le vélin, des artichauts de fer aux feuilles aiguës, destinés à empêcher les maraudeurs agiles de sauter du pont sur le terre-plein intérieur par les angles de la grille. Quelques fleurs et quelques ornements dorés, se mêlant d'une manière discrète à la sévérité du métal, ôtaient à cette serrurerie son aspect défensif, pour ne lui laisser qu'une apparence de richesse élégante. C'était une entrée presque royale, et quand un valet à la livrée du marquis en eut ouvert les portes, les bœufs qui traînaient le chariot hésitèrent à la franchir, comme éblouis par ses magnificences et honteux de leur rusticité. Il fallut une piqûre d'aiguillon pour les décider. Ces braves bêtes, trop modestes, ne savaient pas que labourage est nourricier de noblesse. En effet, par une grille semblable, il n'eût dû entrer que les carrosses à trains dorés, à caisses drapées de velours, à portières avec glace de Venise ou mantelets en cuir de Cordoue. Mais la comédie a ses privilèges et le char de Thespis pénètre partout. Une allée sablée de la largeur du pont conduisait au château, traversant un jardin où parterre, planté selon la dernière mode. Des bordures de buis rigoureusement taillées y dessinaient des cadres où se déployaient, comme sur une pièce de damas, des ramages de verdure d'une symétrie parfaite. Les ciseaux du jardinier ne permettaient pas à une feuille de dépasser l'autre, et la nature, malgré ses rébellions, était obligée de s'y faire l'humble servante de l'art. Au milieu de chaque compartiment se dressait, dans une attitude mythologique et galante, une statue de déesse ou de nymphe en style flamand italianisé. Des sables de diverses couleurs servaient de fond à ces dessins végétaux qu'on n'eût pas plus régulièrement tracés sur le papier. À la moitié du jardin, une allée de même largeur se croisait avec la première, non pas à angle droit, mais en aboutissant à une sorte de rond-point dont le centre était occupé par une pièce d'eau ornée d'une rocaille servant de piédestal à un triton enfant qui soufflait une fusée de cristal liquide avec sa conque. Sur les côtés du parterre régnaient des charmilles palissadées, tondues à vif, et que l'automne commençait à dorer. Une industrie savante avait fait de ces arbres, qu'il eût été difficile de reconnaître pour tels, un portique à arcades qui laissait par leurs baies apercevoir des perspectives et des fuites aménagées à souhait pour le plaisir des yeux sur les campagnes environnantes. Le long de l'allée principale, des ifs taillés en pyramide, en boule, en pot à feu, alternés de distance en distance, découpaient leur feuillage sombre toujours vert et se tenaient rangés comme une haie de serviteurs sur le passage des hôtes. Toutes ces magnificences émerveillaient au plus haut degré les pauvres comédiens qui, rarement, avaient été admis en de pareils séjours. Séraphine, guignant ses splendeurs du coin de l'œil, se promettait bien de couper l'herbe sous le pied à la soubrette et de ne pas permettre à l'amour du marquis de déroger. Cet alcandre lui semblait revenir de droit à la grande coquette. Depuis quand voit-on la suivante avoir la préséance sur la dame ? La soubrette, sûre de ses charmes, niée des femmes mais reconnue des hommes sans conteste, se regardait déjà presque comme chez elle, non sans raison. Elle se disait que le marquis l'avait particulièrement distinguée et que d'une œillade assassine adressée en plein cœur lui venait subitement ce goût de comédie. Isabelle, qu'aucune visée ambitieuse ne préoccupait, tournait la tête vers Cigognac assis derrière elle dans le chariot où une sorte de pudeur l'avait fait se réfugier, et de son vague et charmant sourire, elle cherchait à dissiper l'involontaire mélancolie du baron. Elle sentait que le contraste du riche château de Bruyères et du misérable castel de Cigognac devait produire une impression douloureuse sur l'âme du pauvre gentilhomme, réduit par la mauvaise fortune à suivre les aventures d'une charretée de comédiens errants. Et, avec son doux instinct de femme, elle jouait tendrement autour de ce brave cœur blessé, digne en tout point d'une meilleure chance. Le tyran remuait dans sa tête comme des billes dans un sac le chiffre des pistoles qu'il demanderait pour gage de sa troupe, ajoutant un zéro à chaque tour de roue. Blasius, le pédant, passant sa langue de silène sur ses lèvres altérées d'une soif inextinguible, songeait libidineusement aux muits, carteaux et poinçons de vin des meilleurs crus que devaient contenir les celliers du château. Le Léandre, raccommodant d'un petit peigne d'écaille l'économie un peu compromise de sa perruque, se demandait avec un battement de cœur si ce féerique manoir renfermait une châtelaine. Question d'importance, mais la mine hautaine et bravache, quoique joviale du marquis, modérait un peu les audaces qu'il se permettait déjà en imagination. Rebâti à neuf sous le règne précédent, le château de Bruyères se déployait en perspective au bout du jardin dont il occupait presque toute la largeur. Le style de son architecture rappelait celui des hôtels de la place royale de Paris. Un grand corps de logis et deux ailes revenant en équerre, de façon à former une cour d'honneur, composaient une ordonnance fort bien entendue et majestueuse sans ennui. Les murs de briques rouges, reliés aux angles de chaînes en pierre, faisaient ressortir les cadres des fenêtres, également taillés dans une belle pierre blanche. Des linteaux de même matière accusaient la division des étages au nombre de trois. Au claveau des fenêtres, une tête de femme sculptée, à joues rebondies, à coiffure attifée coquettement, souriait d'un air de bonne humeur et de bienvenue. Des balustres pansus soutenaient l'appui des balcons. Les vitres nettes brillantes laissaient à travers la scintillation du soleil levant qu'elles réfléchissaient transparaître vaguement d'amples rideaux de riches étoffes. Pour rompre la ligne du corps de logis central, l'architecte, habile élève d'Androuet du Cerceau, avait projeté en saillie une sorte de pavillon plus orné que le reste de l'édifice et contenant la porte d'entrée où l'on accédait par un perron. Quatre colonnes couplées d'ordre rustique, aux assises alternativement rondes et carrées, ainsi qu'on en voit dans les peintures du sieur Pierre-Paul Rubens, si fréquemment employées par la reine Marie de Médicis, supportaient une corniche blasonnée, comme la grille, des armes du marquis, et formant la plateforme d'un grand balcon à balustrade de pierre, sur lequel s'ouvrait la maîtresse fenêtre du grand salon. Des bossages verniculés à refends ornaient les jambages et l'arcade de la porte, fermée de devantaux de chêne curieusement sculptés et vernis, dont les ferrures luisaient comme de l'acier ou de l'argent. Les hauts toits d'ardoise, délicatement imbriqués et papelonnés, traçaient sur le ciel clair des lignes agréablement correctes, qu'interrompaient avec symétrie de grands corps de cheminée sculptés sur chaque face de trophées et autres attributs. De gros bouquets de plomb d'un enjolivement touffu se dressaient à chaque angle de ces toits d'un bleu violâtre, où par places luisait joyeusement le soleil. Des cheminées, quoiqu'il fût de bonne heure, et que la saison n'exigeât pas encore rigoureusement du feu, s'échappaient de petites vrilles de fumée légère, témoignant d'une vie heureuse, abondante, active. Dans cette abbaye de Thélème, les cuisines étaient déjà éveillées. Montées sur des chevaux robustes, des gardes-chasse apportaient du gibier pour le repas du jour, les tenanciers amenaient des provisions que recevaient des officiers de bouche. Des laquais traversaient la cour, allant porter ou exécuter des ordres. Rien n'était plus gai à l'œil que l'aspect de ce château, dont les murs de briques et de pierres neuves semblaient avoir les couleurs dont la santé fleurit un visage bien portant. Il donnait l'idée d'une prospérité ascendante en plein accroissement, mais non subite, comme il plaît aux caprices de la fortune, en équilibre sur sa roue d'or qui tourne, d'en distribuer à ses favoris d'un jour. Sous ce luxe neuf se sentait une richesse ancienne. Un peu en arrière du château, de chaque côté des ailes, s'arrondissaient de grands arbres séculaires, dont les cimes se nuançaient de teintes safranées, mais dont le feuillage inférieur gardait encore de vigoureuses frondaisons. C'était le parc qui s'étendait au loin, vaste, ombreux, profond, seigneurial, attestant la prévoyance et la richesse des ancêtres. Car l'or peut faire pousser rapidement des édifices, mais il ne saurait accélérer la croissance des arbres, dont peu à peu les rameaux s'augmentent comme ceux de l'arbre généalogique des maisons qu'ils couvrent et protègent de leur ombre. Certes, le bon Cigognac n'avait jamais senti les dents venimeuses de l'envie mordre son honnête cœur et y infiltrer ce poison vert qui bientôt s'insinue dans les veines et, charrié avec le sang jusqu'au bout des plus minces fibrilles, finit par corrompre les meilleurs caractères du monde. Cependant, il ne put refouler tout à fait un soupir en songeant qu'autrefois les cigognacs avaient le pas sur les bruyères pour être de noblesse plus antique et déjà notoire au temps de la première croisade. Ce château, frais, neuf, pimpant, blanc et vermeil comme les joues d'une jeune fille, adorné de toutes recherches et magnificences, faisait une satire involontairement cruelle du pauvre manoir délabré, effondré, tombant en ruine au milieu du silence et de l'oubli, Niara, perchoir de hibou, hospice d'araignée, près de s'écrouler sur son maître désastreux, qu'il avait quitté au dernier moment pour ne pas être écrasé sous la chute. Toutes les années d'ennui et de misère que Cigognac y avait passées défilèrent devant ses yeux, les cheveux souillés de cendre, couverte de livrée grise, les bras ballants, dans une attitude de désespérance profonde et la bouche contractée par le rictus du bâillement. Sans le jalouser, il ne pouvait s'empêcher de trouver le marquis bien heureux. En s'arrêtant devant le perron, le chariot tira Cigognac de cette rêverie qui n'avait rien de fort réjouissant. Il chassa du mieux qu'il put ses mélancolies intempestives, résorba par un effort de courage viril une larme qui germait furtivement au coin de son œil et sauta à terre d'une façon délibérée pour tendre la main à l'Isabelle et aux comédiennes embarrassées de leurs jupes que le vent matinal faisait ballonner. Le marquis de Bruyères, qui de loin avait vu venir le cortège comique, était debout sur le perron du château, en veste de velours tanné et chausses de même, bas de soie grise et souliers blancs à bouts carrés, le tout galamment passementé de rubans assortis. Il descendit quelques marches de l'escalier en fer à cheval, comme un hôte poli qui ne regarde pas de trop près à la condition de ses invités. D'ailleurs, la présence du baron de Cigognac dans la troupe pouvait à la rigueur justifier cette condescendance. Il s'arrêta au troisième degré, ne jugeant pas digne d'aller plus loin. Il fit de là, aux comédiens, un signe de main amical et protecteur. En ce moment, la soubrette présenta à l'ouverture de la banne sa tête maligne et futée, qui se détachait du fond obscur, étincelante de lumière, d'esprit et d'ardeur. Ses yeux et sa bouche lançaient des éclairs. Elle se penchait, à demi sortie du chariot, appuyée des mains à la traverse de bois, laissant voir un peu de sa gorge par le pli relâché de sa guimpe, et comme attendant que l'on vînt à son secours. Cigognac, occupé d'Isabelle, ne faisait pas attention au feint embarras de la rusée coquine, qui leva vers le marquis un regard lustré et suppliant. Le châtelain de Bruyères entendit cet appel. Il franchit vivement les dernières marches de l'escalier et s'approcha du chariot pour accomplir ses devoirs de cavalier servant, le poing tendu, le pied avancé en danseur. D'un mouvement leste et coquet comme celui d'une jeune chatte, la soubrette s'élança au bord du char. Hésita un instant, feignit de perdre l'équilibre, entoura de son bras le col du marquis et descendit à terre avec une légèreté de plume, imprimant à peine sur le sable ratissé la marque de ses petits pieds d'oiseau. « Excusez-moi, » dit-elle au marquis, en simulant une confusion qu'elle était loin d'éprouver. « J'ai cru que j'allais tomber, je me suis retenue à la branche de votre col. Quand on se noie ou qu'on tombe, on se rattrape où l'on peut. Une chute, d'ailleurs, est chose grave et de mauvais augure pour une comédienne. »« Permettez-moi de considérer ce petit accident comme une faveur, » répondit le seigneur de Bruyères, tout ému d'avoir senti contre son sein la poitrine savamment palpitante de la jeune femme. Séraphina, la tête à demi tournée sur l'épaule et la prunelle glissée dans le coin externe de l'œil, avait vu cette scène presque de dos avec cette perspicacité jalouse des rivales à qui rien n'échappe et qui vaut les centieux d'Argus. Elle ne put s'empêcher de se mordre la lèvre. Zerbine, c'était le nom de la soubrette, par un coup familièrement hardi, s'était poussée dans l'intimité du marquis et se faisait, pour ainsi dire, faire les honneurs du château au détriment des grands rôles et des premiers emplois. Énormité damnable et subversive de toute hiérarchie théâtrale. Ardez un peu cette moricaude, il lui faut des marquis pour l'aider à descendre de charrette, fit intérieurement la Séraphine, dans un style peu digne du ton maniéré et précieux qu'elle affectait en parlant. Mais le dépit entre femmes emploie volontiers les métaphores de la halle et de la grève, fussent-elles duchesses ou grandes coquettes. « Jean, » dit le marquis à un valet qui, sur un geste du maître, s'était approché, « faites remiser ce chariot dans la cour des communs et déposer les décorations et accessoires qu'il contient bien à l'abri sous quelque hangar. Dites comporte les malles de ces messieurs et de ces dames aux chambres désignées par mon intendant, et qu'on leur donne tout ce dont ils pourraient avoir besoin. J'entends qu'on les traite avec respect et courtoisie. Allez. » Ces ordres donnés, le seigneur de Bruyères remonta gravement le perron, non sans avoir lancé, avant de disparaître sous la porte, un coup d'œil libertin à Zerbine, qui lui souriait d'une façon beaucoup trop avenante au gré de Donna Séraphine, outrée de l'impudence de la soubrette. Le charabeu, accompagné du tyran, du pédant et du scapin, se dirigea vers une arrière-cour, et avec l'aide des valets du château, on eut bientôt extrait du coffre de la voiture une place publique, un palais et une forêt sous forme de trois longs rouleaux de vieilles toiles. On en sortit aussi des chandeliers de modèle antique pour les hymens, une coupe de bois doré, un poignard de fer blanc rentrant dans le manche, des écheveaux de fil rouge destinés à simuler le sang des blessures, une fiole à poison, une urne à contenir des cendres et autres accessoires indispensables au dénouement tragique. Un chariot comique contient tout un monde. En effet, le théâtre n'est-il pas la vie en raccourci, le véritable microcosme que cherchent les philosophes en leurs rêvasseries hermétiques? Ne renferme-t-il pas dans son cercle l'ensemble des choses et les diverses fortunes humaines représentées au vif par fictions congruentes, ces tas de vieilles hardes usées, poussiéreuses, tachées d'huile et de suif, passementées de faux or rougis, ces ordres de chevalerie en paillons et cailloux du Rhin, ces épées à l'antique au fourreau de cuivre, à la lame de fer émoussée, ces casques et diadèmes de forme grégeoise ou romaine, ne sont-ils pas comme la friperie de l'humanité où se viennent revêtir de costumes pour revivre un moment, à la lueur des chandelles, les héros des temps qui ne sont plus? Un esprit ravalé et bourgeoisement prosaïque n'eût fait qu'un cas fort médiocre de ces pauvres richesses, de ces misérables trésors dont le poète se contente pour habiller sa fantaisie et qui lui suffisent avec l'illusion des lumières jointes au prestige de la langue des dieux à enchanter les plus difficiles spectateurs. Les valets du marquis de Bruyères, en laquais de bonne maison aussi insolents que des maîtres, touchaient du bout des doigts et avec un air de mépris ces guenilles dramatiques qu'ils aidaient à ranger sous le hangar, les plaçant d'après les ordres du tyran, régisseur de la troupe. Ils se trouvaient un peu dégradés de servir des histrions, mais le marquis avait parlé, il fallait obéir, car il n'était point tendre à l'endroit des rébellions, et il se montrait d'une générosité asiatique en fait des trivières. D'un air aussi respectueux que s'il eût eu affaire à des rois et princesses véritables, l'intendant vint, la barrette à la main, prendre les comédiens et les conduire à leur logement respectif. Dans l'aile gauche du château se trouvaient les appartements et chambres destinés aux visiteurs de Bruyères. Pour y parvenir, on montait de beaux escaliers, aux marches de pierre blanche poncée, avec paliers et repos bien ménagés. On suivait de longs corridors d'allées en quadrillage blanc et noir, éclairés d'une fenêtre à chaque bout, sur lesquelles s'ouvraient les portes des chambres désignées d'après la couleur de leur tenture, que répétaient les rideaux de la portière extérieure pour que chaque hôte pût aisément reconnaître son gîte. Il y avait la chambre jaune, la chambre rouge, la chambre verte, la chambre bleue, la chambre grise, la chambre tannée, la chambre de tapisserie, la chambre de cuir de bohème, la chambre boisée, la chambre à fresque, et telles autres appellations analogues qu'il vous plaira d'imaginer, car une énumération plus longue serait par trop fastidieuse et sentirait plutôt son tapissier que son écrivain. Toutes ces chambres étaient meublées fort proprement et garnies non seulement du nécessaire, mais encore de l'agréable. À la soubrette Zerbine échut la chambre de tapisserie, une des plus galantes pour les amours et mythologies voluptueuses dont la haute lisse était historiée. Isabelle eut la chambre bleue, cette couleur s'ayant aux blondes. La rouge fut pour Séraphine, et la tannée reçut la duègne, comme assortie à l'âge de la compagnonne, par la sévérité refrognée de la nuance. Cigognac fut installé dans la chambre tendue en cuir de bohème, non loin de la porte d'Isabelle, attention délicate du marquis. Ce logis assez magnifique ne se donnait qu'aux hôtes d'importance, et le châtelain de Bruyère tenait à traiter particulièrement parmi ses baladins un homme de naissance, et à lui prouver qu'il en faisait estime, tout en respectant le mystère de son incognito. Le reste de la troupe, le tyran, le pédant, le scapin, le matamore et le léandre, fut redistribué dans les autres logis. Cigognac, mis en possession de son gîte où l'on avait déposé son mince bagage, tout en réfléchissant à la bizarrerie de sa situation, regardait d'un œil surpris, car jamais il ne s'était trouvé en pareille fête, l'appartement qu'il devait occuper pendant son séjour au château. Les murailles, comme le nom de la chambre l'indiquait, étaient tapissées de cuir de bohème gaufré de fleurs chimériques et de ramages extravagants, découpant sur un fond de vernis d'or leurs corolles, rinceaux et feuilles enluminées de couleurs à reflets métalliques, luisants comme du paillon. Cela formait une tenture aussi riche que propre, descendant de la corniche, jusqu'à un lambris de chêne noir très bien divisé en panneaux, losanges et caissons. Les rideaux des fenêtres étaient de brocatelles jaunes et rouges, rappelant le fond de la tenture et la couleur dominante des fleurs. Cette même brocatelle formait la garniture du lit, dont le chevet s'appuyait au mur et dont les pieds s'allongeaient dans la salle de manière à former ruelle de chaque côté. Les portières ainsi que les meubles étaient d'une étoffe semblable et de nuances assorties. Des chaises à dossiers carrés, à pieds tournés en spirale, étoilées de clous d'or et frangés de crépines. Des fauteuils ouvrant leurs bras bien rembourrés s'étalaient le long des boiseries dans l'attente de visiteurs et marquaient auprès de la cheminée la place des causeries intimes. Cette cheminée, en marbre sérancolin blanc et tacheté de rouge, était haute, ample et profonde. Un feu réjouissant par cette fraîche matinée y flambait fort à propos, éclairant de son reflet joyeux une plaque aux armes du marquis de Bruyère. Sur le chambranle, une petite horloge figurant un pavillon dont le timbre simulait le dôme indiqua l'heure sur son cadran d'argent niellé, évidé au milieu et laissant voir la complication intérieure des rouages. Une table, à pieds tordus en colonnes salomoniques et recouverte d'un tapis de Turquie, occupait le centre de la chambre. Devant la fenêtre, une toilette inclinait son miroir de Venise à biseau sur une nappe de guipure garnie de tout le coquet arsenal de la galanterie. En se considérant dans cette pure glace, curieusement encadrée d'écailles et d'étain, notre pauvre baron ne put s'empêcher de se trouver fort mal en point et dépenaillé d'une manière lamentable. L'élégance de la chambre, la nouveauté et la fraîcheur des objets dont il était entouré rendaient encore plus sensible le ridicule et le délabrement de son costume déjà hors de mode avant le meurtre du feu roi. Une faible rougeur, quoiqu'il fût seul, passa sur les joues maigres du baron. Jusqu'alors, il n'avait trouvé sa misère que déplorable. Maintenant, elle lui semblait grotesque, et pour la première fois, il en eut honte. Sentiment peu philosophique, mais excusable chez un jeune homme. Voulant s'ajuster un peu mieux, Cigognac défit le paquet où Pierre avait renfermé les minces hardes que possédait son maître. il déplia les diverses pièces de vêtements qu'il contenait et ne trouva rien à sa guise. Tantôt le pourpoint était trop long, tantôt le haut de chausse trop court, les saillies des coudes et des genoux, offrant plus de prise au frottement, se marquaient par des plaques râpées jusqu'à la corde. Entre les morceaux disjoints, les coutures riaient aux éclats et montraient leurs dents de fil. Des reprises perdues, mais retrouvées depuis longtemps, bouchaient les trous avec des grillages compliqués comme ceux des judas de prison ou de portes espagnoles. Fanées par le soleil, l'air et la pluie, les couleurs de ces guenilles étaient devenues si indécises qu'un peintre eût eu de la peine à les désigner de leur nom propre. Le linge ne valait guère mieux. Des lavages nombreux l'avaient réduite à l'expression la plus ténue. C'étaient des ombres de chemises plutôt que des chemises réelles. On les eût dites taillées dans les toiles d'araignées du manoir. Pour comble de malheur, les rats, ne trouvant rien au garde-manger, en avaient rongé quelques-unes des moins mauvaises, y pratiquant avec leurs incisives autant de jours qu'un collet de guipures, ornement intempestif dont se fut bien passée la garde-robe du pauvre baron. Cette inspection mélancolique absorbait si fort Cigognac qu'il n'entendit pas un coup discrètement frappé à la porte qui s'entrebâilla, livrant passage d'abord à la tête enluminée, puis au corps obèse de Messer Blasius, lequel pénétra dans la chambre avec force révérences exagérées et servilement comique, ou comiquement servile, dénotant un respect moitié réel, moitié fin. Quand le pédant arriva près de Cigognac, celui-ci tenait par les deux manches et présentait à la lumière une chemise fenestrée comme la rose d'une cathédrale, et il secouait la tête d'un air piteusement découragé. « Corbacche, dit le pédant, dont la voix fit tressaillir le baron surpris. « Cette chemise a la mine vaillante et triomphale. On dirait qu'elle est montée à l'assaut de quelque place forte sur la propre poitrine du dieu Mars, tant elle est criblée, perforée, ajourée glorieusement par mousquetades, carreaux, dards, flèches et autres armes de jet. Il n'en faut pas rougir, baron, ces trous sont des bouches par lesquelles se proclame l'honneur, et telle toile de frise ou de Hollande toute neuve et gaudronnée à la dernière mode de la cour cache souvent l'infamie d'un bélitre parvenu, concussionnaire et simoniaque. Plusieurs héros considérables, dont l'histoire rapporte au long les gestes, n'étaient point trop bien fournis en linge. Témoin Ulysse, personnage grave, prudent et subtil, lequel se présenta, vêtu seulement d'une poignée d'herbes marines, à la tant belle princesse Nausicaa, comme il appert en l'Odyssée du sieur Homérus. Par malheur, répondit Cigognac au pédant, mon cher Blasius, je ne ressemble à ce brave grec, roi d'Ithaque, que par le manque de chemise. Mes exploits antérieurs ne compensent point ma misère présente. L'occasion a fait défaut à ma vaillance, et je doute que je sois jamais chanté des poètes en vers hexamétriques. J'avoue que cela me fâche étrangement, bien que l'on ne doive pas avoir vergogne d'une pauvreté honorable, de paraître ainsi accoutré parmi cette compagnie. Le marquis de Bruyères m'a bien reconnu, quoiqu'il n'en ait fait montre, et il peut trahir mon secret. « Cela est, en effet, on ne peut plus fâcheux, répliqua le pédant. Mais il y a remède à tout, fort à la mort, comme dit le proverbe. Nous autres, pauvres comédiens, ombres de la vie humaine et fantômes des personnages de toutes conditions, à défaut de l'être, nous avons au moins le paraître, qui lui ressemble comme le reflet ressemble à la chose. Quand il nous plaît, grâce à notre garde-robe, où sont tous nos royaumes, patrimoines et seigneuries, nous prenons l'apparence de prince, au baron, gentilhomme de fière allure et de galante mine. Pour quelques heures, nous égalons en bravoure d'ajustement ceux qui s'en piquent le plus, les blondins et petits maîtres, imitent nos élégances empruntées, que de fausses ils font réelles, substituant le drap à la serge, l'or au clinquant, le diamant à la marcassite, car le théâtre est école de mœurs et académie de la mode. En ma qualité de costumier de la troupe, je sais faire d'un pleutre un Alexandre, d'un pauvre diable recrue de fortune un riche seigneur, d'une coureuse une grande dame, et si vous ne le trouvez point mauvais, j'userai de mon industrie à votre endroit. Puisque vous avez bien voulu suivre notre sort vagabond, usez du moins de nos ressources. Quittez cette livrée de mélancolie et de misère qui obombre vos avantages naturels et vous inspire une injuste défiance de vous-même. J'ai précisément en réserve dans un coffre un habit fort propre en velours noir avec des rubans feu qui ne sent point son théâtre et que pourrait porter un homme de cour, car c'est aujourd'hui une fantaisie fréquente chez les auteurs et poètes de mettre à la scène des aventures du temps sous nom supposé qui exige des habits d'honnêtes gens et non de baladins extravagamment déguisés à l'antique ou à la romanesque. J'ai la chemisette, les bas de soie, les souliers à bouffettes, le manteau, tous les accessoires du costume qui semblent taillés exprès sur votre moule comme par prévision de l'aventure. Rien n'y manque, pas même l'épée. Oh, pour cela, il n'est besoin, dit Cigognac avec un geste hautain où reparaissait toute la fierté du noble qu'aucune infortune ne peut abattre. J'ai celle de mon père. Conservez-la précieusement, répondit Blasius. Une épée est une amie fidèle, gardienne de la vie et de l'honneur de son maître. Elle ne l'abandonne pas en désastre, périls et mauvaises rencontres, comme font les flatteurs, viles engeances, parasites de la prospérité. Nos glaives de théâtre n'ont ni fil ni pointe, car ils ne doivent porter que de feintes blessures, dont on se guérit subitement à la fin de la pièce, et cela sans onguent, charpie ou thériaque. Celle-là vous saura défendre au besoin, comme elle a déjà fait quand le bandit au mannequin fit s'être équipé de grandes routes effroyables et risibles. Mais souffrez que j'aille chercher les nippes au fond de la malle qui les scelle. Il me tarde de voir la chrysalide se muer en papillon. Ces paroles, débitées avec l'emphase grotesque qui lui était habituelle et qu'il transportait de ses rôles dans la vie ordinaire, le pédant sortit de la chambre et revint bientôt portant entre les bras un paquet assez volumineux enveloppé d'une serviette et qu'il posa respectueusement sur la table. « Si vous voulez accepter un vieux pédant de comédie pour valet de chambre, » dit Blasius en se frottant les mains d'un air de contentement, « je vais vous adoniser et calamistrer de la belle façon. » Toutes les dames raffoleront de vous incontinent, car, soit dit sans faire injure à la cuisine de Cigognac, vous avez assez jeûné dans votre tour de la faim pour avoir la vraie physionomie d'un mourant d'amour. Les femmes ne croient qu'aux passions maigres, les ventripotents ne les persuadent point. Eussent-ils en la bouche les chaînes dorées, symboles d'éloquence, qui suspendaient nobles, bourgeois, manants, aux lèvres d'Ogmios, l'Hercule gaulois. C'est pour cette raison, et non pour une autre, que j'ai médiocrement réussi auprès du beau sexe, et me suis rejeté de bonne heure sur la dive bouteille, laquelle ne fait point tant la renchérie et accueille favorablement les gros hommes comme muide de capacité plus vaste. C'est ainsi que l'honnête Blasius tâchait d'égayer, tout en l'habillant, le baron de Cigognac, car la volubilité de sa langue n'ôtait rien à l'activité de ses mains. Même au risque d'être taxé de bavard ou de fâcheux, il préférait étourdir le jeune gentilhomme d'un flux de paroles à le laisser sous le poids de réflexions pénibles. La toilette du baron fut bientôt achevée, car le théâtre, exigeant des changements rapides de costume, donne beaucoup de dextérité aux comédiens en ces sortes de métamorphoses. Blasius, content de sa besogne, mena par le bout du petit doigt, comme on mène une jeune épousée à l'hôtel, le baron de Cigognac devant la glace de Venise posée sur la table, et lui dit « Maintenant, daignez jeter un coup d'œil sur votre seigneurie. » Cigognac aperçut dans le miroir une image qu'il prit d'abord pour celle d'une autre personne, tant elle différait de la sienne. Involontairement, il retourna la tête et regarda par-dessus son épaule pour voir s'il n'y avait pas par hasard quelqu'un derrière lui. L'image imita son mouvement. Plus de doute, c'était bien lui-même. Non plus le Cigognac hâve, triste, lamentable, presque ridicule à force de misère, mais un Cigognac jeune, élégant, superbe, dont les vieux habits abandonnés sur le plancher ressemblaient à ces peaux grises et ternes que dépouillent les chenilles lorsqu'elles s'envolent vers le soleil, papillons aux ailes d'or de cinabre et de lapis. L'être inconnu, prisonnier dans cette enveloppe de délabrement, s'était dégagé soudain et rayonnait sous la pure lumière tombant de la fenêtre comme une statue dont on vient d'enlever le voile en quelque inauguration publique. Cigognac se voyait tel qu'il s'était quelquefois apparu en rêve, acteur et spectateur d'une action imaginaire, se passant dans son château rebâti et orné par les habiles architectes du songe pour recevoir une infante adorée arrivant sur une haquenée blanche. Un sourire de gloire et de triomphe voltigea quelques secondes comme une lueur de pourpre sur ses lèvres pâles, et sa jeunesse enfouie si longtemps sous le malheur reparut à la surface de ses traits embellis. Blasius, debout près de la toilette, contemplait son ouvrage, se reculant pour mieux jouir du coup d'œil, comme un peintre qui vient de donner la dernière touche à un tableau dont il est satisfait. « Si, comme je l'espère, vous vous poussez à la cour et recouvrez vos biens, donnez-moi pour retraite le gouvernement de votre garde-robe, » dit-il en singeant la courbette d'un solliciteur devant le baron transformé. « Je prends note de la requête, » répondit Cigognac avec un sourire mélancolique. « Vous êtes, Messer Blasius, le premier être humain qui m'ait demandé quelque chose. » On doit, après le dîner qui nous sera servi particulièrement, rendre visite à monsieur le marquis de Bruyères pour lui montrer la liste des pièces que nous pouvons jouer et savoir de lui dans quelle partie du château nous dresserons le théâtre. Vous passerez pour le poète de la troupe, car il ne manque pas par les provinces de beaux esprits qui se mettent parfois à la suite de Thalie, dans l'espoir de toucher le cœur de quelque comédienne, ce qui est fort galant et bien porté. L'Isabelle est un joli prétexte, d'autant qu'elle a de l'esprit, de la beauté et de la vertu. Les ingénus jouent souvent plus au naturel qu'un public frivole et vain ne le suppose. » Cela dit, le pédant se retira, quoiqu'il ne fût pas fort coquet, pour aller vaquer à sa propre toilette. Le beau Léandre, pensant toujours à la châtelaine, s'adonisait de son mieux, dans l'espoir de cette aventure impossible qu'il poursuivait toujours et qui, au dire de Scapin, ne lui avait jamais valu que des déceptions et des étrivières. Quant aux comédiennes à qui M. de Bruyères avait galamment envoyé quelques pièces d'étoffe de soie pour y lever, s'il était besoin, les habits de leur rôle, on pense qu'elles eurent recours à toutes les ressources dont l'art se sert pour parer la nature, et se mirent sur le grand pied de guerre autant que leur pauvre garde-robe d'actrices ambulantes le leur permettait. Ces soins pris, on se rendit à la salle où le dîner était servi. Impatient de sa nature, le marquis vint avant la fin du repas trouver les comédiens à table. Il ne souffrit pas qu'ils se levassent, et quand on leur eut donné à laver, il demanda au tyran quelle pièce il savait. « Toutes celles de feu hardi, » répondit le tyran de sa voix caverneuse, « la pyrame de Théophile, la Sylvie, la chryséide et la sylvanir, la folie de Cardenio, l'infidèle confidente, la phyllis de cire, le ligdamon, le trompeur puni, la veuve, la bague de l'oubli et tout ce qu'ont produit de mieux les plus beaux esprits du temps. Depuis quelques années, je vis retiré de la cour et ne suis pas au courant des nouveautés, » dit le marquis d'un air modeste. « Il me serait difficile de porter un jugement sur tant de pièces excellentes, mais dont la plupart me sont inconnues. M'est avis que le plus expédient serait de m'en fier à votre choix, lequel appuyé de théorie et de pratique ne saurait manquer d'être sage. » « Nous avons souvent joué une pièce, » répliqua le tyran, « qui peut-être ne souffrirait pas l'impression, mais qui, pour les jeux de théâtre, réparties comiques, nasardes et bouffonneries, a toujours eu ce privilège de faire rire les plus honnêtes gens. « N'en cherchez point d'autre, » dit le marquis de Bruyères. « Et comment s'appelle ce bienheureux chef-d'œuvre ?»« Les rodomontades du capitaine Matamor. » »« Bon titre, sur ma foi. La soubrette a-t-elle un beau rôle ?» fit le marquis en lançant un coup d'œil à Zerbine. « Le plus coquet et le plus coquin du monde, et Zerbine le joue au mieux, c'est son triomphe. Elle y fut toujours claquée, et cela sans cabale ni applaudisseurs apostés. » À ce compliment directorial, Zerbine crut qu'il était de son devoir de rougir quelque peu, mais il ne lui était pas facile d'amener un nuage de vermillon sur sa joue brune. La modestie, ce phare intérieur, lui manquait totalement. Parmi les peaux de sa toilette, il n'y avait pas de ce rouge-là. Elle baissa les yeux, ce qui fit remarquer la longueur de ses cils noirs, et elle leva la main comme pour arrêter au passage des paroles trop flatteuses pour elle, et ce mouvement mit en lumière une main bien faite, quoique un peu bise, avec un petit doigt coquettement détaché et des ongles roses qui luisaient comme des agates, car ils avaient été polis à la poudre de corail et à la peau de chamois. Zerbine était charmante de la sorte. Ses feintes pudicités donnent beaucoup de ragoût à la dépravation véritable. Elles plaisent aux libertins, bien qu'ils n'en soient pas dupes par le piquant du contraste. Le marquis regardait la soubrette d'un œil ardent et connaisseur, et n'accordait aux autres femmes que cette vague politesse de l'homme bien élevé qui a fait son choix. « Il ne s'est pas seulement informé du rôle de la grande coquette, » pensait la Séraphine outrée de dépit. « Cela n'est pas congru, et ce seigneur, si riche de biens, me semble terriblement dénué du côté de l'esprit, de la politesse et du bon goût. Décidément, il a les inclinations basses. Son séjour en province l'a gâté, et l'habitude de courtiser les maritornes et les bergères lui ôte toute délicatesse. » Ces réflexions ne donnaient pas l'air aimable à la Séraphine. Ces traits réguliers mais un peu durs qui avaient besoin pour plaire d'être adoucis par la mignardise étudiée des sourires et le manège des clins d'yeux prenaient ainsi contractés une sécheresse maussade. Sans doute elle était plus belle que Zerbine, mais sa beauté avait quelque chose de hautain, d'agressif et de méchant. L'amour eût peut-être risqué l'assaut. Le caprice effrayé rebroussait de l'aile. Aussi le marquis se retira-t-il sans essayer la moindre galanterie auprès de Donna Serafina, ni d'Isabelle, qu'il regardait d'ailleurs comme engagée avec le baron de Sigognac. Avant de franchir le seuil de la porte, il dit au tyran: « J'ai donné des ordres pour qu'on débarrassât l'orangerie, qui est la salle la plus vaste du château, afin d'y établir le théâtre. On a dû y porter des planches, des tréteaux, des tapisseries, des banquettes, et tout ce qui est nécessaire pour arranger une représentation à l'improviste. surveillez les ouvriers peu experts en pareils travaux. Disposez-en comme un comité de galère de sa chiourme. Ils vous obéiront comme à moi-même. » Le tyran Blasius et Scapin furent reconduits à l'orangerie par un valet. C'étaient eux qui prenaient d'ordinaire ces soins d'arrangement matériel. La salle s'accommodait, on ne peut mieux, à une représentation théâtrale par sa forme oblongue qui permettait de placer la scène à l'une de ses extrémités et de disposer par fil dans l'espace vacant des fauteuils, chaises, tabourets et banquettes selon le rang des spectateurs et l'honneur qu'on voulait leur faire. Les murailles en étaient peintes de treillage vert sur fond de ciel, simulant une architecture rustique avec piliers, arcades, niches, dômes, culs de four, le tout fort bien en perspective et guirlandé légèrement de feuillages et de fleurs pour rompre la monotonie des losanges et lignes droites. Le plafond demi-cintré représentait le vague de l'air zébré de quelques nuages blancs et virgulés d'oiseaux à couleurs vives, ce qui formait une décoration on ne peut mieux appropriée à la nouvelle destination du lieu. Un plancher légèrement en pente fut posé sur des tréteaux à l'un des bouts de la salle. Des portants de bois destinés à soutenir les coulisses se dressèrent de chaque côté du théâtre. De grands rideaux de tapisserie, jouant sur des cordes tendues, devaient servir de toile, et en s'ouvrant, se masser à droite et à gauche, comme les plis d'un manteau d'arlequin. Une bande d'étoffe découpée à dents comme la garniture d'un ciel de lit composait la frise et achevait le cadre de la scène. Pendant que le théâtre se bâtit, occupons-nous des habitants du château sur lesquels il serait bon de donner quelques détails. Nous avons oublié de dire que le marquis de Bruyère était marié. Il s'en souvenait si peu lui-même que cette omission doit nous être pardonnée. L'amour, comme on le pense bien, n'avait pas présidé à cette union. Un même nombre de quartiers de noblesse des terres qui se convenaient admirablement l'avaient décidé. Après une très courte lune de miel, se sentant peu de sympathie l'un pour l'autre, le marquis et la marquise, en gens comme il faut, ne s'étaient pas acharnés bourgeoisement à poursuivre un bonheur impossible. D'un accord tacite, ils y avaient renoncé et vivaient ensemble séparés à l'amiable, de la façon la plus courtoise du monde et avec toute la liberté que comportent les bienséances. N'allez pas croire d'après cela que la marquise de Bruyère fût une femme laide ou désagréable. Ce qui rebute le mari peut encore faire le régal de l'amant. L'amour porte un bandeau, mais l'hymen n'en a pas. D'ailleurs, nous allons vous présenter à elle, afin que vous en puissiez juger par vous-même. La marquise habitait un appartement séparé, où le marquis n'entrait pas sans se faire annoncer. Nous commettrons cette incongruité dont les auteurs de tous les temps ne se sont pas fait faute, et sans rien dire au petit laquais qui serait allé prévenir la camériste, nous pénétrerons dans la chambre à coucher, sûrs de ne déranger personne. L'écrivain qui fait un roman porte naturellement au doigt l'anneau de Gigès, lequel rend invisible. C'était une pièce vaste, haute de plafond et décorée somptueusement. Des tapisseries de Flandre, représentant les aventures d'Apollon, recouvraient les murailles de teintes chaudes, riches et moelleuses. Des rideaux de damas des Indes cramoisies tombaient à plis amples le long des fenêtres et, traversés par un gai rayon de lumière, prenaient une transparence pourprée de rubis. La garniture du lit était de la même étoffe dont les laits accusés par des galons formaient des cassures régulières, miroitées de reflets. Un lambrequin, pareil à celui des dais, en entourait le ciel, orné aux quatre coins de gros panaches de plumes incarnadines. Le corps de la cheminée faisait une assez forte saillie dans la chambre et il montait visible jusqu'au plafond enveloppé par la haute lisse. Un grand miroir de Venise enrichi d'un cadre de cristal dont les tailles et les carrés scintillaient illuminée de bluettes multicolores, se penchait de la moulure vers la chambre pour aller au-devant des figures. Sur les chenets, formés comme par une suite de renflements étranglés et surmontés d'une énorme boule de métal poli, brûlaient en pétillant trois bûches qui eussent pu servir de bûches de Noël. La chaleur qu'elles répandaient n'était pas superflue à cette époque de l'année dans une pièce de cette dimension. Deux cabinets d'une curieuse architecture, avec colonnettes de lapis-lazuli, incrustations de pierres dures et tiroirs à secret, où le marquis ne se fût pas avisé de mettre le nez, eût-il su la manière de les ouvrir, se faisaient symétrie de chaque côté d'une toilette devant laquelle Madame de Bruyère était assise sur un de ces fauteuils particuliers au règne de Louis XIII, dont le dossier présente à la hauteur des épaules une sorte de planchette rembourrée et garnie de crépines. Derrière la marquise se tenaient deux femmes de chambre qui l'accommodaient, l'une offrant une pelote d'épingle et l'autre une boîte de mouches. La marquise, bien qu'elle n'avouât que 28 ans, pouvait avoir dépassé le cap de la trentaine, que les femmes ont une si naïve répugnance à franchir, comme beaucoup plus dangereux que le cap des tempêtes, dont s'épouvantent les matelots et les pilotes. De combien ? Personne n'eût su le dire, pas même la marquise, tant elle avait ingénieusement introduit la confusion dans cette chronologie. Les plus experts historiens en l'art de vérifier les dates n'y eussent fait que blanchir. Madame de Bruyère était une brune dont l'embonpoint qui succède à la première jeunesse avait éclairci le teint. Chez elle, les tons olivâtres de la maigreur, combattus jadis avec le blanc de perle et la poudre de talc, faisaient place à une blancheur mate, un peu maladive le jour, mais éclatante aux bougies. L'ovale de son visage s'était empâté par la plénitude des joues sans toutefois perdre de sa noblesse. Le menton se rattachait au col au moyen d'une ligne grassouillette assez gracieuse encore. Trop busqué peut-être pour une beauté féminine, le nez ne manquait pas de fierté et séparait deux yeux à fleur de tête, couleur tabac d'Espagne, auquel des sourcils en arc assez éloignés des paupières donnaient un air d'étonnement. Ses cheveux abondants et noirs venaient de recevoir les dernières façons des mains de la coiffeuse, dont la tâche avait dû être assez compliquée, à en juger par la quantité de papillotes de papier brouillard qui jonchaient le tapis autour de la toilette. Une ligne de minces boucles contournées en accroche-cœur encadrait le front et frisait à la racine d'une masse de cheveux ramenés en arrière vers le chignon, tandis que deux énormes touffes aérées, soufflées et crêpées à coups de peigne nerveux et rapides, bouffaient le long des joues qu'elles accompagnaient avec grâce. Une cocarde de ruban passementé et de jaillet étoffait la lourde boucle nouée sur la nuque. Les cheveux étaient une des beautés de la marquise, qui suffisait à toutes les coiffures sans avoir recours aux postiches et artifices de perruques, et pour cette cause se laissait volontiers approcher des dames et des cavaliers à l'heure où ces femmes l'ajustaient. Cette nuque conduisait le regard par un contour plein et renflé à des épaules fort blanches et potelées que laissaient à découvert les chancrures du corsage et où se trouaient dans l'embonpoint deux fossettes appétissantes. La gorge, sous la pression d'un corps de baleine, tendait à rapprocher ces demi-globes que les flatteurs poètes, faiseurs de madrigaux et sonnets, s'obstinent à nommer les frères ennemis, bien qu'ils se soient trop souvent réconciliés, moins farouches en cela que les frères de la Thébaïde. Un cordonnet de soie noire passant à travers un cœur de rubis et soutenant une petite croix de pierrerie entourait le col de la marquise, comme pour combattre les sensualités païennes éveillées par la vue de ses charmes étalés et défendre au désir profane l'entrée de cette gorge mal fortifiée d'un frêle rempart de guipure. Sur une jupe de satin blanc, Madame de Bruyère portait une robe de soie grenat foncé, relevée de rubans noirs et de passequilles en jaillet, avec des poignets ou parements renversés comme les gantelets de gendarmes. Jeanne, une des femmes de la marquise, lui présenta la boîte à mouches, dernier complément de toilette, indispensable à cette époque pour quelqu'un qui se piquait d'élégance. Madame de Bruyère en posa une vers le coin de la bouche et chercha longtemps la place de l'autre, celle qu'on nomme assassine, parce que les plus fiers courages en reçoivent des atteintes qu'ils ne sauraient parer. Les femmes de chambre, semblant comprendre combien c'était chose grave, restaient immobiles et retenaient leur souffle pour ne pas troubler les coquettes réflexions de leur maîtresse. Enfin, le doigt hésitant se fixa et un point de taffetas, astre noir sur un ciel de blancheur, moucheta comme un signe naturel la naissance du sein gauche, c'est-à-dire en galant hiéroglyphe qu'on ne pouvait arriver à la bouche qu'en passant par le cœur. Satisfaite d'elle-même, après un dernier coup d'œil jeté au miroir de Venise penché sur la toilette, la marquise se leva et fit quelques pas dans la chambre, mais, se ravisant bientôt, car elle s'était aperçue qu'il lui manquait quelque chose, elle revint et prit dans son coffret une grosse montre, un œuf de Nuremberg, comme on disait alors, curieusement émaillé de diverses couleurs, constellé de brillants et suspendu à une chaîne terminée par un crochet qu'elle agrafa dans sa ceinture, près d'un petit miroir à main encadré de vermeil. « Madame est en beauté aujourd'hui, » dit Jeanne d'une voix câline. « Elle est coiffée à son avantage, et sa robe lui sied on ne peut mieux. »« Tu trouves ?» répondit la marquise, traînant ses paroles avec une nonchalance distraite. « Il me semble, au contraire, que je suis laide à faire peur. J'ai les yeux cernés, et cette couleur me grossit. » « Si je me mettais en noir, qu'en penses-tu, Jeanne? Le noir fait paraître mince. Si madame le désire, je vais lui passer sa robe de taffetas que de merle ou fleur de prune. Ce sera l'affaire d'un instant, mais je crains que madame ne gâte une toilette bien réussie. Ce sera ta faute, Jeanne, si je mets les amours en fuite et si je ne fais pas ce soir ma récolte de cœur. » Le marquis a-t-il invité beaucoup de monde à cette comédie? Plusieurs messagers sont partis à cheval dans diverses directions. La compagnie ne saurait manquer d'être nombreuse. On viendra de tous les châteaux des environs. Les occasions de divertissement sont si rares en ce pays. C'est vrai, dit la marquise en soupirant. On y vit dans une terrible frugalité de plaisir. Et ces comédiens, les as-tu vus, Jeanne? « En est-il parmi eux qui soient jeunes, de belle mine et de prestance galante ? Je ne saurais trop dire à madame, ces gens-là ont plutôt des masques que des visages. La céruse, le fard, les perruques leur donnent de l'éclat aux chandelles et les font paraître tout autres qu'ils ne sont. Cependant, il m'a semblé qu'il y en avait un point trop déchiré et qui prend des airs de cavalier. Il a de belles dents et la jambe assez bien faite. » « Ce doit être l'amoureux, Jeanne, » dit la marquise. « On choisit pour cela le plus joli garçon de la troupe, car il serait malséant de débiter des cajoleries avec un nez en trompette et de se jeter sur des genoux cagneux pour faire une déclaration. « Cela serait en effet fort vilain, » dit en riant la suivante. « Les maris sont comme ils peuvent, mais les amants doivent être sans défaut. » « Aussi j'aime ces galants de comédie toujours fleuris de langage, experts à pousser les beaux sentiments, qui se pâment au pied d'une inhumaine, attestent le ciel, maudissent la fortune, tirent leur épée pour s'en percer la poitrine, jettent feux et flammes comme un volcan d'amour, et disent de ces choses à ravir en extase les plus froides vertus. » Leurs discours me chatouillent agréablement le cœur, et il me semble parfois que c'est à moi qu'ils s'adressent. Souvent même les rigueurs de la dame m'impatientent, et je la gourmande à part moi de faire ainsi languir et sécher sur pied un si parfait amant. C'est que madame a l'âme bonne, répliqua Jeanne, et ne se plaît point à voir souffrir. Pour moi, je suis d'humeur plus féroce, et cela me divertirait de voir quelqu'un mourir d'amour tout de bon. Les belles phrases ne me persuadent point. Il te faut du positif, Jeanne, et tu as l'esprit un peu enfoncé dans la matière. Tu ne lis pas, comme moi, les romans et pièces de théâtre. Ne me disais-tu pas tout à l'heure que le galant de la troupe était joli garçon ? Madame la marquise peut en juger elle-même, dit la suivante, debout près de la fenêtre. Le voilà précisément qui traverse la cour, sans doute pour se rendre à l'orangerie où l'on dresse le théâtre. La marquise s'approcha de la croisée et vit le Léandre marchant à petits pas d'un air songeur, comme quelqu'un absorbé par une passion profonde. À tout hasard, il affectait cette attitude mélancolique dont les femmes se préoccupent, devinant quelque peine de cœur à consoler. Arrivé sous le balcon, il leva la tête avec un certain mouvement qui donna à ses yeux un lumineux particulier, fixa sur la croisée un regard long, triste et chargé de désespérance, de l'amour impossible, bien qu'exprimant aussi l'admiration la plus vive et la plus respectueuse. Apercevant la marquise dont le front s'appuyait à la vitre, il ôta son chapeau de façon à balayer la terre avec la plume et fit un de ces saluts profonds comme on en fait aux reines et aux déités et qui marque la distance de l'empyré au néant. Puis il se couvrit d'un geste plein de grâce, reprenant avec un air superbe son arrogance de cavalier, abjuré un moment au pied de la beauté. Ce fut net, précis et bien fait. Un véritable seigneur rompu au monde, usagé en la cour, n'eût pas mieux saisi la nuance. Flatté de ce salut à la fois discret et prosterné, où l'on rendait si bien à son rang ce qu'on lui devait, madame de Bruyère ne put s'empêcher d'y répondre par une faible inclination de tête, accompagnée d'un imperceptible sourire. Ces signes favorables n'échappèrent point au Léandre et sa fatuité naturelle ne manqua pas de s'en exagérer la portée. Il ne douta pas un instant que la marquise ne fût amoureuse de lui et son imagination extravagante se mit à bâtir là-dessus tout un roman chimérique. Il allait enfin accomplir le rêve de toute sa vie, avoir une aventure galante avec une vraie grande dame dans un château quasi princier, lui, pauvre comédien de province, plein de talent sans doute, mais qui n'avait point encore joué devant la cour. Rempli de ses billes vesées, il ne se sentait pas d'aise. Son cœur se gonflait, sa poitrine se dilatait, et la répétition finie, il rentra chez lui pour écrire un billet du style le plus hyperbolique qu'il comptait bien faire parvenir à la marquise. Comme tous les rôles de la pièce étaient sus dès que les invités du marquis furent arrivés, la représentation des rodomontades du capitaine Matamor put avoir lieu. L'orangerie transformée en salle de théâtre offrait le plus charmant coup d'œil. Des bouquets de bougies fixés aux murailles par des bras ou des appliques y répandaient une clarté douce, favorable aux parures des femmes, sans nuire à l'effet de scène. En arrière des spectateurs sur des planches formant gradins, on avait placé les orangers dont les feuillages et les fruits, échauffés par la tiède atmosphère de la salle, dégageaient une odeur des plus suaves, se mêlant au parfum du musc, du benjoin, de l'ambre et de l'iris. Au premier rang, tout près du théâtre, sur des fauteuils massifs, rayonnaient Yolande de Foix, la duchesse de Montalban, la baronne d'Agémeau, la marquise de Bruyère et autres personnes de qualité, dans des toilettes d'une richesse et d'une élégance décidées à ne pas se laisser vaincre. ce n'était que velours satin, toile d'argent ou d'or, dentelle, guipure, canetille, ferret de diamants, tour de perles, girandole, nœud de pierreries qui pétillaient aux lumières et lançaient de folles bluettes. Nous ne parlons pas des étincelles bien plus vives que jetaient les diamants des yeux. À la cour même, on eût pu voir réunion plus brillante. Si Yolande de Foix n'eût pas été là, plusieurs déesses mortelles auraient fait hésiter un Paris chargé d'accorder la pomme d'or, mais sa présence rendait toute lutte inutile. Elle ne ressemblait pourtant pas à l'indulgente Vénus, mais bien plutôt à la sauvage Diane. La jeune châtelaine était d'une beauté cruelle, d'une grâce implacable, d'une perfection désespérante. Son visage, allongé et fin, ne semblait pas modelé avec la chair, mais découpé dans l'agate ou l'onyx, tant les traits en étaient purs, immatériels et nobles. Son col amenuisé, flexible comme celui d'un cygne, s'unissait par une ligne virginale à des épaules encore un peu maigres et à une poitrine juvénile d'une blancheur neigeuse que ne soulevaient pas les battements du cœur. Sa bouche, ondulée comme l'arc de la chasseresse, décochait la moquerie, même lorsqu'elle restait muette, et son œil bleu avait des éclairs froids, à déconcerter l'aplomb des hardiesses. Cependant, son attrait était irrésistible. Toute sa personne insolemment étincelante jetait au désir la provocation de l'impossible. Nul homme n'eût vu Yolande sans en devenir amoureux, mais être aimé d'elle était une chimère que bien peu se permettait de caresser. Comment était-elle habillée? Il faudrait plus de sang-froid que nous n'en possédons pour le dire. Ses vêtements flottaient autour de son corps comme une nuée lumineuse où l'on ne discernait qu'elle. Nous pensons cependant que les grappes de perles se mêlaient aux crépelures de ses cheveux blonds, scintillant comme les rayons d'une auréole. Sur des tabourets et des banquettes étaient assis par derrière les femmes, les seigneurs et les gentilshommes, pères, maris ou frères de ces beautés. Les uns se penchaient gracieusement sur le dos des fauteuils, murmurant quelques madrigales à une oreille indulgente. Les autres s'éventaient avec le panache de leur feutre ou, debout, une main sur la hanche, campés de manière à faire valoir leur belle prestance, promenaient sur l'assemblée un regard satisfait. Un bruissement de conversation voltigeait comme un léger brouillard au-dessus des têtes, et l'attente commençait à s'impatienter lorsque trois coups solennellement frappés retentirent et firent aussitôt régner le silence. Les rideaux se séparèrent lentement et laissèrent voir une décoration représentant une place publique, lieu vague, commode aux intrigues et aux rencontres de la comédie primitive. C'était un carrefour avec des maisons aux pignons pointus, aux étages en saillie, aux petites fenêtres maillées de plomb, aux cheminées d'où s'échappait naïvement un tire-bouchon de fumée, allant rejoindre les nuages d'un ciel auquel un coup de balai n'avait pu rendre toute sa limpidité première. L'une de ces maisons forme l'angle de deux rues qui tâchaient de s'enfoncer dans la toile par un effort désespéré de perspective, possédait une porte et une fenêtre praticables. Les deux coulisses, qui rejoignaient à leur sommet une bande d'air çà et là géographiée d'huile, jouissaient du même avantage, et de plus l'une d'elles avait un balcon où l'on pouvait monter au moyen d'une échelle invisible pour le spectateur, arrangement propice aux conversations, escalades et enlèvements à l'espagnol. Vous le voyez, le théâtre de notre petite troupe était assez bien machiné pour l'époque. Il est vrai que la peinture de la décoration eût semblé, à des connaisseurs, un peu enfantine et sauvage. Les tuiles des toits tiraient l'œil par la vivacité de leur ton rouge. Le feuillage des arbres plantés devant les maisons était du plus beau vert de gris, et les parties bleues du ciel étalaient un azur invraisemblable. mais l'ensemble faisait suffisamment naître l'idée d'une place publique chez des spectateurs de bonne volonté. Un rang de 24 chandelles soigneusement mouchées jetait une forte clarté sur cette honnête décoration peu habituée à pareille fête. Cet aspect magnifique fit courir une rumeur de satisfaction parmi l'auditoire. La pièce s'ouvrait par une querelle du bon bourgeois Pandolphe avec sa fille Isabelle, qui, sous prétexte qu'elle était amoureuse d'un jeune blondin, se refusait le plus opiniâtrement du monde à épouser le capitaine Matamoros, dont son père était entiché. Résistance dans laquelle Zerbine, sa suivante, bien payée par Léandre, la soutenait du bec et des ongles. Aux injures que lui adressait Pandolphe, l'effrontée soubrette, prompte à la riposte, répondait par cent folies et lui conseillait d'épouser lui-même Matamor s'il l'aimait tant. Quant à elle, jamais elle ne souffrirait que sa maîtresse devint la femme de ce vieillaque, de ce visage à nasarde, de cet épouvantail à mettre dans les vignes. Furieux, le bonhomme, voulant entretenir Isabelle seule, poussait Zerbine pour la faire rentrer au logis. Mais elle cédait de l'épaule aux bourrades du vieillard, tout en restant en place avec un mouvement de corsage si élastique, un tordion de hanches si fripon, un froufrou de jupe si coquet, qu'une ballerine de profession n'eût pu mieux faire, et à chaque tentative inutile de Pandolphe, elle riait, sans se soucier de paraître avoir la bouche grande de ses 32 perles d'Orient, plus étincelantes encore aux lumières, à faire se dérider les mélancolies d'Héraclite. Une lueur diamantée luisait dans ses yeux, allumée par une couche de fard posée sous la paupière. Le carmin avivait ses lèvres, et ses jupes toutes neuves, faites avec les taffetas donnés par le marquis, se lustraient aux cassures de frissons subits et semblaient secouer des étincelles. Ce jeu fut applaudi de toute la salle, et le seigneur de Bruyère se disait tout bas qu'il avait eu le goût bon en jetant son dévolu sur cette perle des soubrettes. Un nouveau personnage fit alors son entrée, regardant à droite et à gauche comme s'il craignait d'être surpris. C'était Léandre, la bête noire des pères, des maris, des tuteurs, l'amour des femmes, des filles et des pupilles, l'amant en un mot, celui qu'on rêve, qu'on attend et qu'on cherche, qui doit tenir les promesses de l'idéal, réaliser la chimère des poèmes, des comédies et des romans, être la jeunesse, la passion, le bonheur, ne partager aucune misère de l'humanité, n'avoir jamais ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid, ni peur, ni fatigue, ni maladie. Mais toujours être prêt la nuit, le jour, à pousser des soupirs, à recouler des déclarations, à séduire les duègnes, à soudoyer les suivantes, à grimper aux échelles, à mettre flamberge au vent en cas de rivalité ou de surprise, et cela rasé de frais, bien frisé, avec des recherches de linge et d'habits, l'œil en coulisses, la bouche en cœur comme un héros de cire. Métier terrible qui n'est pas trop récompensé par l'amour de toutes les femmes. Apercevant Pandolphe là où il ne comptait rencontrer qu'Isabelle, Léandre s'arrêta dans une pose étudiée devant les miroirs et qu'il savait propre à mettre en relief les avantages de sa personne, le corps portant sur la jambe gauche, la droite légèrement fléchie, une main sur la garde de l'épée, l'autre caressant le menton de manière à faire briller le fameux solitaire, les yeux pleins de flamme et de langueur, la bouche entr'ouverte par un faible sourire qui laissait luire l'émail des dents. Il était vraiment fort bien, son costume rafraîchi par des rubans neufs, son linge éblouissant de blancheur, bouillonnant entre le pourpoint et les chausses, ses souliers étroits, hauts de talons, ornés d'une large cocarde, contribuaient à lui donner l'apparence d'un parfait cavalier. Aussi réussit-il complètement auprès des dames. La railleuse Yolande elle-même ne le trouva point trop ridicule. Profitant de ce jeu muet, Léandre lança par-dessus la rampe son regard séducteur et le reposa sur la marquise avec une expression passionnée et suppliante qui la fit rougir malgré elle. Puis il le reporta sur Isabelle, éteint et distrait, comme pour bien marquer la différence de l'amour réel à l'amour simulé. À la vue de Léandre, la colère de Pandolfe devint de l'exaspération. Il fit rentrer au logis sa fille et la soubrette, mais non pas si rapidement que Zerbine n'eût eu le temps de glisser dans sa poche un billet à l'adresse d'Isabelle, billet demandant un rendez-vous nocturne. Le jeune homme, resté avec le père, lui assura le plus poliment du monde que ses intentions étaient honnêtes et ne tendaient qu'à serrer le plus sacré des nœuds, qu'il était de bonne naissance, avait l'estime des grands et quelques crédits à la cour, et que rien, pas même la mort, ne pourrait le détourner d'Isabelle, qu'il aimait plus que la vie. Parole charmante que la jeune fille écoutait avec délice, penchée de son balcon et faisant au Léandre de jolis petits signes d'acquiescement. Malgré cette éloquence méliflue, Pandolfe, avec une infatuation obstinée et sénile, jurait ses grands dieux que le seigneur Matamor serait son gendre ou que sa fille entrerait au couvent. De ce pas, il allait chercher le tabellion pour conclure la chose. Pandolfe éloigné, Léandre adjurait Isabelle, toujours à la fenêtre, car le vieillard avait fermé la porte à double tour, de consentir, pour éviter de telles extrémités, à ce qu'il l'enlevât et l'amenât à un ermite de sa connaissance, qui ne faisait pas de difficulté de marier les jeunes couples empêchés dans leurs amours par la volonté tyrannique des parents. À quoi la demoiselle répondait modestement, tout en avouant qu'elle n'était pas insensible à la flamme de Léandre, que l'on devait du respect à ceux de qui l'on tient le jour, et que cet ermite ne possédait peut-être pas toutes les qualités qu'il faut pour bien marier les gens. Mais elle promettait de résister de son mieux et d'entrer en religion plutôt que de mettre sa main dans la pâte du Matamor. L'amoureux se retirait pour aller dresser ses batteries avec l'aide d'un certain valet, drôle retors, personnage fertile en fourberies, ruses et stratagèmes, autant que le sieur Paulien. Il devait revenir le soir sous le balcon et rendre compte à sa maîtresse du succès de ses entreprises. Isabelle fermait sa fenêtre et le Matamor, avec cet esprit d'à-propos qui le caractérise, faisait son entrée. Son apparition attendue produisit un grand effet. Ce type favori avait le don de faire rire les plus moroses. Quoique rien ne nécessitât une action si furibonde, Matamor, ouvrant les jambes en compas forcés et faisant des pas de 6 pieds comme les mots dont parle Horace, arriva devant les chandelles et s'y planta dans une pose cambrée, outrageuse et provocante, de même que s'il eût voulu porter un défi à la salle entière. Il filait sa moustache, roulait de gros yeux, faisait palpiter sa narine et soufflait formidablement, comme s'il étouffait de colère pour quelque injure méritant la destruction du genre humain. Matamor, en cette occasion solennelle, avait tiré du fond de son coffre un costume presque neuf, qu'il ne mettait qu'au beau jour, et dont sa maigreur de lézard faisait ressortir encore la bizarrerie comique et l'emphase grotesquement espagnole. Ce costume consistait en un pourpoint bombé comme un corselet et zébré de bandes diagonales, alternativement jaunes et rouges, qui convergeaient vers une rangée de boutons en manière de chevrons renversés. La pointe du pourpoint descendait fort bas sur le ventre. Les bords et les entournures en étaient garnis d'un bourrelet saillant aux mêmes couleurs. Des rayures semblables à celles du pourpoint décrivaient des spirales bizarres autour des manches et de la culotte, donnant aux bras et aux cuisses un air risible de flûte à l'oignon. Si l'on s'avisait de chausser un coq de bas rouge, on aurait l'idée des tibias du Matamor. D'énormes bouffettes jaunes s'épanouissaient comme des choux sur ses souliers à crevés rouges. Des jarretières à bout flottant serraient au-dessus du genou ses jambes, aussi dénuées de mollets que les pattes échassières d'un héron. Une fraise montée sur carton, dont les plis empesés dessinaient une série de 8, lui cerclait le col et le forçait à relever le menton, attitude favorable aux impertinences du rôle. Sa coiffure consistait en une sorte de feutre à la Henri IV, retroussé par un bord et accrété de plumes rouges et blanches, une cape déchiquetée en barbe d'écrevisse, des mêmes couleurs que le reste du costume, flottait derrière les épaules, burlesquement retroussée par une immense rapière à laquelle le poids d'une lourde coquille faisait relever la pointe. Au bout de ce long estoc qui eût pu servir de brochette à 10 sarrasins, pendait une rosace, ouvrée délicatement en fil d'archal fort ténu, représentant une toile d'araignée, preuve convaincante du peu d'usage que faisait Matamor de ce terrible engin de guerre. Ceux d'entre les spectateurs qui avaient les yeux bons eussent même pu distinguer la petite bestiole de métal suspendue au bout de son fil avec une quiétude parfaite et comme sûre de n'être pas dérangée dans son travail. Matamor, suivi de son valet Scapin que menaçait d'éborgner le bout de la rapière, arpenta deux ou trois fois le théâtre, faisant sonner ses talons, enfonçant son chapeau jusqu'aux sourcils et se livrant à 100 pantomimes ridicules qui faisaient pâmer de rire les spectateurs. Enfin il s'arrêta, et se posant devant la rampe, il commença un discours plein de hâbleries, d'exagérations et de rodomontades, dont voici à peu près la teneur, et qui aurait pu prouver aux érudits que l'auteur de la pièce avait lu le Mille Gloriosus de Plaute, aïeul de la lignée des Matamor. « Pour aujourd'hui, Scapin, je veux bien quelques instants laisser au fourreau ma tueuse et donner au médecin le soin de peupler les cimetières dont je suis le grand pourvoyeur. » Quand on a comme moi détrôné le Sophie de Perse, arraché par sa barbe l'amour rabaquin du milieu de son camp, et tué de l'autre main 10 000 Turcs infidèles, fait tomber d'un coup de pied les remparts de 100 forteresses, défier le sort, écorcher le hasard, brûler le malheur, plumé comme un oison l'aigle de Jupin qui refusait de venir sur le pré à mon appel, me redoutant plus que les titans. Battu le fusil avec les carreaux de la foudre, éventré le ciel du croc de sa moustache, il est certes loisible de se permettre quelques récréations et badineries. D'ailleurs, l'univers soumis n'offre plus de résistance à mon courage, et la parque Atropos m'a fait savoir que ses ciseaux s'étant ébréchés à couper le fil des destinées, que moissonnait ma flamberge, elle avait été obligée de les envoyer au rémouleur. « Donc, Scapin, il me faut tenir à deux mains ma vaillance, faire trêve au duel, guerre, massacre, dévastation, sac de ville, lutte corps à corps avec les géants, tuerie de monstres à l'instar de Thésée et d'Hercule, à quoi j'occupe ordinairement les férocités de mon indomptable bravoure. Je me repose, que la mort respire. Mais à quel divertissement le seigneur Mars, qui près de moi n'est qu'un bien petit compagnon, passe-t-il ses vacances et congés ? Entre les bras blancs et poupins de la dame Vénus, laquelle, comme déesse de bon entendement, préfère les gendarmes à tous autres, fort dédaigneuse de son boiteux et cornard de mari. C'est pourquoi j'ai bien voulu condescendre à m'humaniser, et voyant que Cupidon n'osait se hasarder à décocher sa flèche à pointe d'or, contre un vaillant de mon calibre, je lui ai fait un petit signe d'encouragement. Même pour que son dard pût pénétrer en ce généreux cœur de lion, j'ai dépouillé cette cotte de maille faite des anneaux donnés par les déesses, impératrices, reines, infantes, princesses et grandes de tout pays, mes illustres amantes, dont la trempe magique me préserve en mes plus folles témérités. Cela signifie, dit le valet qui avait écouté cette fulgurante tirade avec les apparences d'une contention d'esprit extrême, autant que mon faible entendement peut comprendre une éloquence si admirable en rhétorique, si enjolivée de termes à propos et métaphores à l'asiatique, que votre vaillantissime seigneurie a la fantaisie férue pour quelques jeunes tendrons de la ville, alias que vous êtes amoureux comme un simple mortel. Vraiment, répliqua Matamor avec une bonhomie nonchalante et superbe, tu as donné du nez droit dans la chose, et tu ne manques pas d'intelligence pour un valet. Oui, j'ai cette infirmité d'être amoureux, mais ne crains pas qu'elle amollisse mon courage. Cela est bon pour Samson de se laisser tondre, et pour Alcide de filer la quenouille. Dalila n'eût osé me toucher le poil. Onfale m'eût tiré les bottes. Au moindre signe de révolte, je lui aurais fait décroter sur la table la peau du lion néméen comme une cape à l'espagnol. Dans mon loisir, cette réflexion, humiliante pour un grand cœur, m'est venue. J'ai vaincu, il est vrai, le genre humain, mais je n'en ai réduit que la moitié. Les femmes, par leur faiblesse, échappent à mon empire. Il ne serait pas décent de leur couper la tête, de leur tailler bras et jambes, de les fendre en deux jusqu'à la ceinture, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes ennemis masculins. Ce sont là brutalités martiales que repousse la politesse, la défaite de leur cœur, la reddition à volonté de leur âme, la mise à sac de leur vertu me suffisent. Il est vrai que j'en ai soumis un nombre plus grand que les sablons de la mer et les étoiles du ciel, que je traîne après moi quatre coffres pleins de poulets, billets doux et missives, et que je dors sur un matelas composé de boucles brunes, châtaines, blondes, rousses, dont les plus pudiques m'ont fait le sacrifice. Junon même m'a fait des avances que j'ai rebutées, parce que son immortalité était un peu trop mûre, bien qu'elle se refasse vierge toutes les années en la fontaine de Canatos. Mais tous ces triomphes, je les compte comme défaites, et ne veux point d'une couronne de laurier à laquelle manque une seule feuille. Mon front en serait déshonoré. La charmante Isabelle ose me résister, et quoique toutes les audaces soient bienvenues près de moi, je ne saurais souffrir cette impertinence, et je veux qu'elle-même, sur un plat d'argent, m'apporte les clés d'or de son cœur, à genoux, déchevelé, demandant grâce et merci. Va sommer cette place de se rendre, j'accorde 3 minutes de réflexion. Pendant cette attente, le sablier tremblera dans la main du temps effrayé. » Et là-dessus, Matamor se campait dans une pose extravagamment anguleuse, dont sa maigreur excessive faisait encore ressortir le ridicule. La fenêtre resta close aux sommations moqueuses du valet. Sûr de la bonté de ses murailles, et ne craignant pas qu'on ouvrît la brèche, la garnison, composée d'Isabelle et de Zerbine, ne donna pas signe de vie. Matamor, qui ne s'étonne de rien, s'étonna pourtant de ce silence. « Sangre y fuego, terre et ciel, foudre et canonnade !» s'écria-t-il en faisant hérisser le poil de sa lèvre, comme la moustache d'un chat fâché. « Ces bagasses ne bougent non plus que chèvres mortes, qu'on arbore le drapeau, qu'on batte la chamade, ou je jette bas la maison d'une chiquenaude. Ce serait bien fait si la cruelle restait écrasée sous les ruines. Comment, Scapin, mon ami, t'expliques-tu cette défense hyrcanienne et sauvage contre mes charmes qui, comme on sait, n'ont point de rivaux en ce globe terraqué, ni même en l'Olympe habité des dieux. Je me l'explique fort naturellement. Un certain Léandre, moins beau que vous sans doute, mais tout le monde n'a pas le goût bon, s'est ménagé des intelligences dans la place. Votre valeur s'attaque à une forteresse prise. Vous avez séduit le père, Léandre a séduit la fille, voilà tout. « Léandre, as-tu dit ? Oh, ne répète pas ce nom exécrable et exécré où je vais de mal orage, décrocher le soleil et borgner la lune, et prenant la terre par les bouts de son essieu, la secouer de façon à produire un cataclysme diluvial comme celui de Noé ou d'Ogygès. Faire à ma barbe la cour à Isabelle, la dame de mes pensées, damnable godelureau, ruffian patibulaire, galantin de sac et de corde, où es-tu, que je te fende les naseaux, que je t'écrive les croix sur la figure, que je t'embroche, que je te larde, que je te crible, que je t'effondre, que je te désentraille, que je te piétine, que je te jette au bûcher et disperse tes cendres. Si tu paraissais pendant le paroxysme de ma fureur, le tonnerre de mes narines suffirait à t'envoyer au-delà des mondes, parmi les feux élémentaires. Je te lancerais si haut que tu ne retomberais jamais. Marcher sur mes brisées, je frémis moi-même à l'idée de ce qu'une pareille audace peut amener de maux et de désastres sur la pauvre humanité. Je ne saurais punir dignement un tel crime sans fracasser du coup la planète. Léandre, rival de Matamor, par Mahon et Tervagant, les mots épouvantés reculent et se refusent à venir exprimer une semblable énormité. On ne peut les joindre ensemble. Ils hurlent quand on les prend au collet pour les rapprocher, car ils savent qu'ils auraient affaire à moi s'ils se permettaient cette licence. D'ores et en avant, Léandre, à ma langue, pardon de te faire prononcer ce nom infâme, peut se considérer comme défunt et aller lui-même commander son monument au tailleur de pierre, si toutefois j'ai la magnanimité de lui accorder les honneurs de la sépulture. « Par le sang de Diane, dit le valet, voilà qui tombe comme de cire. Le seigneur Léandre traverse précisément la place à pas compter. Vous allez bellement lui dire son fait, et ce sera magnifique spectacle que la rencontre de deux si fiers courages, car je ne vous cacherai pas que, parmi les maîtres d'armes et prévôts de la ville, ce gentilhomme a la renommée d'être assez bon gladiateur. » Dégainé, pour moi, je ferai le guet quand vous en serez aux mains, de peur que les sergents ne vous dérangent. Les étincelles de nos épées leur feront prendre le large, et ils n'oseraient, les bélitres, entrer dans ce cercle de flammes et de sang. Reste tout près de moi, mon bon scapin. Si d'aventure j'étais fâcheusement navré de quelque estafilade, tu me recevrais en tes bras. Répondit Matamor, qui aimait beaucoup à être interrompu dans ses duels. Plantez-vous bravement devant lui, dit le valet en poussant son maître, et barrez-lui le passage. Voyant qu'il n'y avait pas moyen de faire une reculade, Matamor s'enfonça son feutre jusque sur les yeux, retroussa sa moustache, mit la main à la poignée de son immense rapière et s'avança vers Léandre, qu'il toisa des pieds à la tête le plus insolemment qu'il put. Mais c'était bravade pure, car on entendait claquer ses dents et l'on voyait flageoler et trembler ses minces jambes comme des roseaux au vent de bise. Il ne lui restait plus qu'un espoir. C'était d'intimider Léandre par des éclats de voix, des menaces et des rodomontades, des lièvres étant souvent cachés sous des peaux de lion. « Monsieur, savez-vous que je suis le capitaine Matamoros, appartenant à la célèbre maison Cuerno de Cornazan et allié à la non moins illustre famille Escobombardon de la Papirontonda? Je descends d'Anté par les femmes. Eh, descendez de la lune si cela vous amuse, répondit le Léandre avec un dédaigneux haussement d'épaules. Que m'importe ces billevesées? Tête et ventre, monsieur, cela vous importera tout à l'heure. Il est encore temps, videz la place et je vous épargne. Votre jeunesse me touche, regardez-moi bien, je suis la terreur de l'univers, l'ami de la Camarde, la providence des fossoyeurs. Où je passe, il pousse des croix. C'est à peine si mon ombre ose me suivre, tellement je la mène en des endroits périlleux. Si j'entre, c'est par la brèche. Si je sors, c'est par un arc de triomphe. Si j'avance, c'est pour me fendre. Si je recule, c'est pour rompre. Si je couche, c'est mon ennemi que j'étends sur le pré. Et si je traverse une rivière, elle est de sang, et les arches du pont sont faites avec les côtes de mes adversaires. Je me roule avec délice au milieu des mêlées, tuant, hachant, massacrant, taillant des stocks de taille, perçant de la pointe. Je jette les chevaux en l'air avec leurs cavaliers. Je brise comme fétu de paille les os des éléphants. aux assauts, j'escalade les murs en m'aidant de deux poinçons et je plonge mon bras dans la gueule des canons pour en retirer les boulets. Le vent seul de mon épée renverse les bataillons comme gerbe sur l'air. Quand Mars me rencontre sur un champ de bataille, il fuit de peur que je ne l'assomme, tout dieu de la guerre qu'il est. Enfin, ma vaillance est si grande et l'effroi que j'inspire est tel que jusqu'à présent, apothicaire du trépas, je n'ai pu voir les braves que par le dos. Eh bien, vous allez en voir un en face, dit Léandre en appliquant sur un des profils du matamore un énorme soufflet dont l'écho burlesque retentit jusqu'au fond de la salle. Le pauvre diable pivota sur lui-même, près de tomber. Un second soufflet, non moins vigoureusement appliqué que le premier, mais sur l'autre joue, le remit d'aplomb. Pendant cette scène, Isabelle Zerbin avait reparu au balcon. La malicieuse soubrette se tenait les côtes de rire, et sa maîtresse faisait un signe de tête amical à Léandre. Du fond de la place débouchait Pandolphe, accompagné du tabellion qui, les 10 doigts écarquillés et les yeux ronds de surprise, regardait Léandre battre le matamore. Écailles de crocodile et cornes de rhinocéros, vociféra le fanfaron. Ta fosse est ouverte, malandrin, veillaque, gavache, et je vais t'y pousser. Mieux eût valu pour toi tirer la moustache au tigre et la queue au serpent dans les forêts de l'Inde. De agacer Matamore, Pluton avec sa fourche ne s'y risquerait pas. Je le déposséderais de l'enfer et j'usurperais Proserpine. Allons, Mathieuse, au vent, montrez-vous, brillez au soleil, et que votre éclair prenne pour fourreau le ventre de ce téméraire. J'ai soif de son sang, de sa moelle, de sa fraissure, et je lui arracherai l'âme d'entre les dents. En disant cela, Matamore, avec des tensions de nerfs, des roulements de prunelles, des clappements de langue, semblait faire les plus prodigieux efforts pour extraire la lame rebelle de sa gaine. Il en suait d'ahan, mais la prudente tueuse voulait garder les logis ce jour-là, sans doute pour ne pas ternir son acier poli à l'air humide. Fatiguée de ses contorsions burlesques, le galant envoya d'un coup de pied rouler le fanfaron à l'autre bout du théâtre et se retira après avoir salué Isabelle avec une grâce exquise. Matamore, tombé sur le dos, remuait ses membres grêles comme une sauterelle retournée. Quand, avec l'aide de son valet et de Pandolphe, il se fut dressé sur ses pieds et bien assuré que Léandre était parti, il s'écria d'une voix haletante et comme entrecoupée par la rage. « De grâce, scapin, cercle-moi avec des bardes de fer, je crève de fureur, je vais éclater comme une bombe. Et toi, lame perfide, qui trahis ton maître au moment suprême, est-ce ainsi que tu me récompenses de t'avoir toujours abreuvé du sang des plus fiers capitaines et des plus vaillants duellistes ? Je ne sais à quoi il tient que je ne te brise en 1000 morceaux sur mon genou, comme lâche, parjure et félonne. Mais tu m'as voulu faire comprendre que le vrai guerrier doit rester sur la brèche et ne pas s'oublier en des capoues d'amour. En effet, cette semaine, je n'ai défait aucune armée. Je n'ai combattu ni orques ni dragons. Je n'ai pas fourni à la mort sa ration de cadavres. Et la rouille est venue à mon glaive, rouille de honte, soudure d'oisiveté. Sous les propres yeux de ma belle, ce béjaune me nargue, m'insulte et me provoque. Leçon profonde, enseignement philosophique, apologue moral. Désormais, je tuerai 2 ou 3 hommes avant de déjeuner pour être sûr que ma rapière joue librement. Fais m'en souvenir. Léandre n'aurait qu'à revenir, dit Scapin. Si nous essayons à nous tous de tirer du fourreau cet acier formidable. Matamore s'arc-boutant contre un pavé, Scapin s'attelant à la coquille, Pandolphe au valet et le tabellion à Pandolphe, après quelques secousses, la lame céda à l'effort des 3 fantoches qui allèrent rouler d'un côté les 4 fers en l'air, tandis que le fanfaron tombait de l'autre à jambes rebindaines, tenant encore à pleine main le fourreau de la coliche marde. Relevé aussitôt, il reprit la rapière et dit avec emphase « Maintenant, Léandre a vécu. Il n'a de ressources pour éviter la mort que d'émigrer en quelque planète lointaine. S'enfonça-t-il au cœur de la terre, je le ramènerai à la surface pour le transpercer de mon glaive, à moins qu'il ne soit changé en pierre par mon œil horrifique et méduséen. » Malgré cet échec, aucun doute ne vint à l'obstiné vieillard Pandolfe sur l'héroïsme du Matamor, et il persista dans l'idée saugrenue de donner pour mari à sa fille ce magnifique seigneur. Isabelle se prit à pleurer, à dire qu'elle préférait le couvent à un tel hymen. Zerbine défendit de son mieux le beau Léandre et jura par sa vertu, oh le beau serment, que ce mariage ne se ferait pas. Matamor attribua cet accueil glacé à un excès de pudeur. La passion, chez les personnes bien élevées, n'aimant pas à se laisser voir. D'ailleurs, il n'avait pas encore fait sa cour, il ne s'était pas montré dans toute sa gloire, imitant en cela la discrétion de Jupiter envers ses mêlées, qui, pour avoir voulu connaître son amant divin avec l'éclat de sa puissance, tomba brûlée et réduite en un petit tas de cendres. Sans l'écouter davantage, les deux femmes rentrèrent au logis. Matamor, se piquant de galanterie, fit chercher une guitare par son valet, appuya son pied sur une borne et commença à chatouiller le ventre de son instrument pour le faire rire. Puis il se mit à miauler un couplet de séguidille en andalou avec des portements de voix si bizarres, des coups de gosier si étranges, des notes de tête si impossibles, qu'on eût dit la sérénade de Ramina Grobi sous la gouttière de la chatte blanche. Un pot d'eau versé par Zerbine sous le malicieux prétexte d'arroser les fleurs n'éteignit pas sa furie musicale. « Ce sont des larmes d'attendrissement tombées des beaux yeux d'Isabelle, » dit le Matamor. « Le héros chez moi est doublé du virtuose, et je manie la lyre comme l'épée. » Malheureusement inquiété par ce bruit de sérénade, Léandre, qui rôdait aux environs, reparut, et ne souffrant pas que ce faquin fît de la musique sous le balcon de sa maîtresse, arracha la guitare des mains du Matamor, stupide d'épouvante. Puis il lui en donna si fort sur le crâne que la panse de l'instrument creva et que le fanfaron, passant la tête au travers, resta pris par le col comme dans une gangue chinoise. Léandre, ne lâchant pas le manche de la guitare, se mit à tirer de ça de là avec brusque saccade le pauvre Matamor, le cognant aux coulisses, l'approchant des chandelles à le roussir, ce qui formait des jeux de théâtre aussi ridicules qu'amusants. S'en étant bien diverti, il le lâcha subitement et le laissa tomber sur le ventre. Jugez de l'air qu'avait en cette posture l'infortuné Matamor, qui semblait coiffé d'une poêle à frire. Ses misères ne se bornèrent pas là. Le valet de Léandre, avec sa fertilité d'imagination bien connue, avait machiné des stratagèmes pour empêcher le mariage d'Isabelle et du Matamor. Apostée par lui, une certaine Doralis, fort coquette et galante, se produisit accompagnée d'un frère spadassin représenté par le tyran, armé de sa mine la plus féroce et portant sous le bras de longues rapières qui dessinaient une croix de Saint-André d'aspect assez terrifiant. La demoiselle se plaignit d'avoir été compromise par le sieur Matamoros et délaissée pour Isabelle, la fille de Pandolfe, outrage qui demandait une réparation sanglante. « Dépêchez vite ce coupe-jarret, » dit Pandolfe à son futur gendre. « Ce ne sera qu'un jeu pour votre incomparable valeur que n'effraierait pas tout un camp de sarrasins. » Bien à contre-cœur, Matamor se mit en garde après mille divertissantes simagrées, mais il tremblait comme un peuplier, et le spadassin, frère de Doralis, lui fit sauter l'épée des mains au premier choc de fer et le chargea du plat de la rapière jusqu'à lui faire crier grâce. Pour achever le ridicule, dame Léonarde, vêtue en douania espagnole, parut épongeant ses yeux de chouette d'un ample mouchoir poussant des soupirs à fendre le roc et agitant sous le nez de Pandolfe une promesse de mariage paraphée du saint contrefait de Matamor. Un nouvel orage de coups creva sur le misérable. Convaincu de perfidie si compliquée et d'une voix unanime, il fut condamné à épouser la Léonarde en punition de ses hâbleries, rodomontades et couardises. Pandolfe, dégoûté de Matamor, ne fit plus difficulté d'accorder la main de sa fille à Léandre, gentilhomme accompli. Cette bouffonnade, animée par le jeu des acteurs, fut vivement applaudie. Les hommes trouvèrent la soubrette charmante, les femmes rendirent justice à la grâce décente d'Isabelle, et Matamor réunit tous les suffrages. Il était difficile d'avoir mieux le physique de l'emploi, l'emphase plus grotesque, le geste plus fantasque et plus imprévu. Léandre fut admiré des belles dames, quoique jugée un peu fat par les cavaliers. C'était l'effet qu'il produisait d'ordinaire, et à vrai dire, il n'en souhaitait pas d'autre, plus soucieux de sa personne que de son talent. La beauté de Séraphine ne manqua pas d'adorateurs, et plus d'un gentilhomme, au risque de déplaire à sa belle voisine, jura sur sa moustache que c'était là une adorable fille. Cigognac, caché derrière une coulisse, avait joui délicieusement du jeu d'Isabelle, bien qu'il se fût quelquefois intérieurement senti jaloux de la voix tendre qu'elle prenait en répondant à Léandre, n'étant pas encore habitué à ces feintes amours du théâtre qui cachent souvent des aversions profondes et des inimitiés réelles. Aussi, la pièce finie, il complimenta la jeune comédienne d'un air contraint dont elle s'aperçut et n'eut pas de peine à deviner la cause. « Vous jouez les amoureuses d'une admirable sorte, Isabelle, et l'on pourrait s'y méprendre. »« N'est-ce pas mon métier ?» répondit la jeune fille en souriant. « Et le directeur de la troupe ne m'a-t-il pas engagée pour cela ?»« Sans doute, » dit Cigognac, « mais comme vous aviez l'air sincèrement éprise de ce fat qui ne sait rien que montrer ses dents comme un chien qu'on agace, tendre le jarret et faire parade de sa belle jambe. » C'était le rôle qui le voulait. Fallait-il rester là comme une souche avec une mine disgracieuse et revêche? N'ai-je pas conservé la modestie d'une jeune fille bien née? Si j'ai manqué en cela, dites-le-moi, je me corrigerai. Oh non, vous sembliez une pudique demoiselle soigneusement élevée dans la pratique des bonnes mœurs, et l'on ne saurait rien reprendre à votre jeu si juste, si vrai, si décent, qui limite à s'y tromper la nature même. Mon cher baron, voici que les lumières s'éteignent, la compagnie s'est retirée, et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Jetez-moi cette cape sur les épaules, et veuillez bien me conduire à ma chambre. Cigognac s'acquitta sans trop de gaucherie, quoique les mains lui tremblassent un peu, de ce métier nouveau pour lui de cortero, d'une femme de théâtre, et ils sortirent tous deux de la salle où il ne restait plus personne. L'orangerie était située à quelque distance du château, un peu sur la gauche, dans un grand massif d'arbres. La façade qu'on apercevait de ce côté n'était pas moins magnifique que l'autre. Comme le terrain du parc était plus bas de niveau que celui du parterre, elle se déployait par une terrasse garnie d'une rampe à balustres pensues et coupée de distance en distance par des socles supportant des vases en faïence blanche et bleue qui contenaient des arbustes et des fleurs, les dernières de la saison. Un escalier à double rampe descendait au parc, faisant saillie sur le mur de soutènement de la terrasse, composé de grands panneaux de briques encadrés de pierres. Cette ordonnance était fort majestueuse. Il pouvait être à peu près 9 heures. La lune s'était levée. Une vapeur légère, semblable à une gaze d'argent, tout en adoucissant les contours des objets, n'empêchait point de les discerner. On voyait parfaitement la façade du château, dont quelques fenêtres s'éclairaient d'une lueur rouge, tandis que certains carreaux, frappés par les rayons de l'astre nocturne, scintillaient brusquement comme des écailles de poisson. À cette lueur, les tons roses de la brique prenaient une nuance lilas d'une extrême douceur, et les assises de pierre des teintes gris de perles. Sur l'ardoise neuve des toits, comme sur de l'acier poli, glissaient des reflets blancs, et la dentelle noire de la crête se découpait sur un ciel d'une transparence laiteuse. Des gouttes de lumière tombaient dans les feuilles des arbustes, rejaillissaient de l'émail des vases et constellaient de diamants éparpillés la pelouse qui s'étendait devant la terrasse. Si l'on regardait au loin, spectacle non moins enchanteur, on découvrait les allées du parc se perdant comme les paysages de Bruegel de Paradis en des fuites et brumes d'azur au bout desquelles brillaient parfois des lueurs argentées provenant d'une statue de marbre ou d'un jet d'eau. Isabelle et Cigognac montèrent l'escalier et, charmés par la beauté de la nuit, firent quelques tours sur la terrasse avant de regagner leur chambre. Comme le lieu était découvert en vue du château, la pudeur de la jeune comédienne ne conçut aucune alarme de cette promenade nocturne. D'ailleurs, la timidité du baron la rassurait, et bien que son emploi fût celui d'ingénue, elle en savait assez sur les choses d'amour pour ne pas ignorer que le propre de la passion vraie est le respect. Cigognac ne lui avait pas fait d'aveu formel, mais elle se sentait aimée de lui et ne craignait de sa part aucune entreprise fâcheuse à l'endroit de sa vertu. Avec le charmant embarras des amours qui commencent, ce jeune couple, se promenant au clair de lune côte à côte, le bras sur le bras, dans un parc désert, ne se disait que les choses les plus insignifiantes du monde. Qui les eût épiés eût été surpris de n'entendre que propos vagues, réflexions futiles, demandes et réponses banales. Mais si les paroles ne trahissaient aucun mystère, le tremblement des voix, l'accent ému, les silences, les soupirs, le ton bas et confidentiel de l'entretien accusaient les préoccupations de l'âme. L'appartement d'Yolande, voisin de celui de la marquise, donnait sur le parc, et comme, après que ses femmes l'eurent défaite, la belle jeune fille regardait distraitement à travers la croisée la lune briller au-dessus des grands arbres, elle aperçut sur la terrasse Isabelle et Cigognac qui se promenaient sans autre accompagnement que leur ombre. Certes, la dédaigneuse Yolande, fière comme une déesse qu'elle était, n'avait que mépris pour le pauvre baron Cigognac, devant qui, parfois, à la chasse, elle passait comme un éblouissement dans un tourbillon de lumière et de bruit, et que, dernièrement même, elle avait presque insulté. Mais cela lui déplut de le voir sous sa fenêtre près d'une jeune femme, à laquelle, sans doute, il parlait d'amour. Elle n'admettait pas qu'on pût ainsi secouer son servage. On devait mourir silencieusement pour elle. Elle se coucha d'assez mauvaise humeur et eut quelque peine à s'endormir. Ce groupe amoureux poursuivait son imagination. Cigognac remit Isabelle à sa chambre, et comme il allait rentrer dans la sienne, il aperçut au fond du corridor un personnage mystérieux drapé d'un manteau couleur de muraille, dont le pan rejeté sur l'épaule cachait la figure jusqu'aux yeux. Un chapeau rabattu dérobait son front et ne permettait pas de distinguer ses traits non plus que s'il eût été masqué. En voyant Isabelle et le baron, il s'effaça de son mieux contre le mur. Ce n'était aucun des comédiens retirés déjà dans leur logis. Le tyran était plus grand, le pédant plus gros, le Léandre plus svelte. Il n'avait la tournure ni du scapin ni du matamor, reconnaissable d'ailleurs à sa maigreur excessive que l'ampleur de nul manteau n'eût pu dissimuler. Ne voulant pas paraître curieux et gêner l'inconnu, Cigognac se hâta de franchir le seuil de son logis, non sans avoir remarqué toutefois que la porte de la chambre des tapisseries où demeurait Zerbine restait discrètement entrebâillée, comme attendant un visiteur qui ne voulait point être entendu. Quand il fut enfermé chez lui, Un imperceptible craquement de souliers, le faible bruit d'un verrou fermé avec précaution, l'avertirent que le rôdeur si soigneusement embossé dans sa cape était arrivé à bon port. Une heure environ après, le Léandre ouvrit sa porte très doucement, regarda si le corridor était désert, et suspendant ses pas comme une bohémienne qui exécute la danse des œufs, gagna l'escalier, le descendit plus léger et plus muet en sa marche que ses fantômes errants dans les châteaux hantés, suivit le mur en profitant de l'ombre, et se dirigea du côté du parc vers un bosquet ou salle de verdure dont le centre était occupé par une statue de l'amour discret tenant le doigt appliqué sur sa bouche. À cet endroit sans doute désigné d'avance, Léandre s'arrêta et parut attendre. Nous avons dit que Léandre, interprétant à son avantage le sourire dont la marquise avait reconnu le salut qu'il lui avait fait, s'était enhardi à écrire à la dame de Bruyères une lettre que Jeanne, séduite par quelques pistoles, devait secrètement poser sur la toilette de sa maîtresse. Cette lettre était conçue ainsi, et nous la recopions pour donner une idée du style qu'employait Léandre en ses séductions de grande dame, où il excellait, disait-il. « Madame, ou plutôt déesse de beauté, ne vous en prenez qu'à vos charmes incomparables de la mésaventure qu'ils vous attirent. Ils me forcent, par leur éclat, à sortir de l'ombre où j'aurais dû rester enseveli, et à m'approcher de leur lumière, de même que les dauphins viennent du fond de l'océan aux clartés que jettent les falots des pêcheurs. Encore qu'ils doivent y trouver le trépas et périr sans pitié sous les dards aigus des harpons. Je sais trop bien que je rougirai l'onde de mon sang, mais comme aussi bien je ne puis vivre, il m'est égal de mourir. C'est là une audace bien étrange que d'élever cette prétention réservée aux demi-dieux de recevoir au moins le coup fatal de votre main. Je m'y risque, car étant désespéré d'avance, il ne peut m'arriver rien de pis, et je préfère votre courroux à votre mépris ou dédain. Pour donner le coup de grâce, il faut regarder la victime, et j'aurai en expirant sous vos cruautés cette douceur souveraine d'avoir été aperçue. Oui, je vous aime, madame, et si c'est un crime, je ne m'en repens point. Dieu souffre qu'on l'adore, les étoiles supportent l'admiration du plus humble berger. C'est le sort des hautes perfections comme la vôtre de ne pouvoir être aimées que par des inférieurs, car elles n'ont point d'égales sur la terre, elles en ont à peine aux cieux. Je ne suis hélas qu'un pauvre comédien de province, mais quand même je serais duc ou prince comblé de tous les dons de la fortune, ma tête n'atteindrait pas vos pieds, et il y aurait tout de même entre votre splendeur et mon néant la distance du sommet à l'abîme. Pour ramasser un cœur, il faudra toujours que vous vous baissiez. Le mien est, j'ose le dire, madame, aussi lié que tendre, et qui ne le repousserait pas trouverait en lui l'amour le plus ardent, la délicatesse la plus parfaite, le respect le plus absolu et un dévouement sans bornes. D'ailleurs, si une telle félicité m'arrivait, votre indulgence ne descendrait peut-être pas si bas qu'elle se l'imagine, bien que réduit par le destin adverse et la rancune jalouse d'un grand à cette extrémité de me cacher au théâtre sous le déguisement des rôles. Je ne suis pas d'une naissance dont il faille rougir. Si j'osais rompre le secret que m'imposent des raisons d'État, on verrait qu'un sang assez illustre coule en mes veines. Qui m'aimerait ne dérogerait pas, mais j'en ai déjà trop dit. Je ne serai toujours que le plus humble et le plus prosterné de vos serviteurs, lors même que, par une de ces reconnaissances qui dénouent les tragédies, tout le monde me saluerait comme fils de roi. Qu'un signe le plus léger me fasse comprendre que ma hardiesse n'a pas excité en vous une trop dédaigneuse colère, et j'expirerai sans regret, brûlé par vos yeux, sur le bûcher de mon amour. » Qu'aurait répondu la marquise à cette brûlante épître qui, peut-être, avait servi plusieurs fois? Il faudrait connaître bien à fond le cœur féminin pour le savoir. Par malheur, la lettre n'arriva pas à son adresse. Entiché de grande dame, Léandre ne regardait point les soubrettes et n'était point galante avec elle. En quoi il avait tort, car elles peuvent beaucoup sur les volontés de leur maîtresse. Si les pistoles eussent été appuyées de quelques baisers et lutineries, Jeanne, satisfaite en son amour-propre de femme de chambre, qui vaut bien celui d'une reine, eût mis plus de zèle et de fidélité à s'acquitter de sa commission. Comme elle tenait négligemment la lettre de Léandre à la main, le marquis la rencontra et lui demanda, par manière d'acquis, n'étant pas de sa nature un mari curieux, quel était ce papier qu'elle portait ainsi. « Oh, pas grand-chose, » répondit-elle, « une missive de Monsieur Léandre à Madame la marquise. » De Léandre, l'amoureux de la troupe, celui qui faisait le galant dans les rodomontades du capitaine Matamor, que peut-il écrire à ma femme? Sans doute il lui demande quelque gratification. « Je ne pense point, » répondit la rancunière suivante. « En me remettant ce poulet, il poussait des soupirs et faisait des yeux blancs comme un amoureux pâmé. « Donne cette lettre, » fit le marquis. « J'y répondrai. N'en dis rien à la marquise. Ces baladins sont parfois impertinents et, gâtés par les indulgences qu'on a, ne savent point se tenir en leur place. » En effet, le marquis, qui aimait assez se divertir, fit réponse au Léandre dans le même style, avec une grande écriture seigneuriale, sur papier flairant le musc, le tout cacheté de cire d'Espagne parfumée et d'un blason de fantaisie, pour mieux entretenir le pauvre diable en ses imaginations amoureuses. Quand Léandre rentra dans sa chambre après la représentation, il trouva sur la table, au lieu le plus apparent, un pli déposé par une main mystérieuse et portant cette suscription « À Monsieur Léandre ». Il l'ouvrit tout tremblant de bonheur et lut les phrases suivantes. « Comme vous le dites trop bien, pour mon repos, les déesses ne peuvent aimer que des mortels. À 11 heures, quand tout dormira sur la terre, ne craignant plus l'indiscrétion des regards humains, Diane quittera les cieux et descendra vers le berger Endymion. Ce ne sera pas sur le mont Latmus, mais dans le parc, au pied de la statue de l'amour discret, où le beau berger aura soin de sommeiller pour ménager la pudeur de l'immortel, qui viendra sans son cortège de nymphes, enveloppé d'un nuage et dépouillé de ses rayons d'argent. Nous vous laissons à penser quelle joie folle inonda le cœur du Léandre à la lecture de ce billet qui dépassait ses plus vaniteuses espérances. Il répandit sur sa chevelure et ses mains un flacon d'essence, mâcha un morceau de massie pour avoir la laine fraîche, rebrossa ses dents, tourna la pointe de ses boucles afin de les faire mieux friser et se rendit dans le parc à l'endroit indiqué où, pour vous raconter ceci, nous l'avons laissé faisant le pied de grue. La fièvre de l'attente et aussi la fraîcheur nocturne lui causaient des frissons nerveux. Il tressaillait à la chute d'une feuille et tendait au moindre bruit une oreille exercée à saisir au vol le murmure du souffleur. Le sable criant sous son pied lui semblait faire un fracas énorme qu'on dut entendre du château. Malgré lui, l'horreur sacrée des bois l'envahissait et les grands arbres noirs inquiétaient son imagination. Il n'avait pas peur précisément, mais ses idées prenaient une pente assez lugubre. La marquise tardait un peu et Diane laissait trop longtemps Endymion les pieds dans la rosée. À un certain instant, il lui sembla entendre craquer une branche morte sous un pas assez lourd. Ce ne pouvait être celui de sa déesse. Les déesses glissent sur un rayon et elles touchent terre sans faire ployer la pointe d'une herbe. Si la marquise ne se hâte pas de venir au lieu d'un galant plein d'ardeur, elle ne trouvera plus qu'un amoureux transi, pensait Léandre. Ses attentes où l'on se morfond ne valent rien aux prouesses de Cythère. Il en était là de ses réflexions lorsque 4 ombres massives se dégageant d'entre les arbres et de derrière le piédestal de la statue vinrent à lui d'un mouvement concerté. 2 de ces ombres, qui étaient les corps de Grand Marot, laquais au service du marquis de Bruyère, saisirent les bras du comédien, les lui maintinrent comme ceux des captifs qu'on veut lier, et les 2 autres se mirent à le bâtonner en cadence. Les coups résonnaient sur son dos comme les marteaux sur l'enclume. Ne voulant point par ses cris attirer du monde et faire connaître sa mésaventure, Le pauvre fustigé supporta héroïquement sa douleur. Monsieur Cévola ne fit pas meilleure contenance, le poing dans le brasier, que Léandre sous le bâton. La correction finie, les quatre bourreaux lâchèrent leur victime. Ils lui firent une profonde salutation et se retirèrent sans avoir sonné mot. Quelle chute honteuse! Icare, tombant du haut du ciel, n'en fit pas une plus profonde. Contusionné, brisé, moulu, Léandre, clopin-clopant, regagna le château, courbant le dos, se frottant les côtes. Mais la vanité chez lui était si grande que l'idée d'une mystification ne lui vint pas. Son amour-propre trouvait plus expédient de donner à l'aventure un tour tragique. Il se disait que, sans doute, la marquise, épiée par un mari jaloux, avait été suivie, enlevée avant d'arriver au rendez-vous, et forcé, le poignard sur la gorge, à tout avouer. Il se la représentait à genoux, échevelée, demandant grâce au marquis forcené de colère, répandant des pleurs à foison et promettant pour l'avenir de mieux résister aux surprises de son cœur. Même tout courbaturé de bastonnades, il la plaignait de s'être mise en tel péril à cause de lui, ne se doutant pas qu'elle ignorait l'histoire et reposait à cette heure, fort tranquillement entre ses draps de toile de Hollande, bassinés au bois de santal et à la cannelle. En longeant le corridor, Léandre eut cette contrariété de voir Scapin, dont la tête passait par l'hiatus de la porte entrebâillée et qui ricanait malicieusement. Il se redressa du mieux qu'il put, mais la maligne bête ne prit pas le change. Le lendemain, la troupe fit ses préparatifs de départ. On abandonna le char à bœufs comme trop lent, et le tyran, largement payé par le marquis, loua une grande charrette à quatre chevaux pour emmener la bande et ses bagages. Léandre et Zerbine se levèrent tard, pour des raisons qu'il n'est pas besoin d'indiquer davantage. Seulement l'un avait la mine dolente et piteuse, quoiqu'il essayât de faire à mauvais jeu bon visage. L'autre rayonnait d'ambition satisfaite. Elle se montrait même bonne princesse envers ses compagnes, et la duègne, symptôme grave, se rapprochait d'elle avec des obséquiosités patelines qu'elle ne lui avait jamais montrées. Scapin, à qui rien n'échappait, remarqua que la malle de Zerbine avait doublé de poids par quelque sortilège magique. Séraphine se mordait les lèvres en murmurant le mot « créature » que la soubrette ne fit pas semblant d'entendre, contente pour le moment de l'humiliation de la grande coquette. Enfin, la charrette s'ébranla et l'on quitta cet hospitalier château de Bruyère que tous regrettaient, excepté Léandre. Le tyran pensait aux pistoles qu'il avait reçues, le pédant aux excellents vins dont il s'était largement abreuvé, Matamor aux applaudissements qu'on lui avait prodigués, Zerbine aux pièces de taffetas, aux colliers d'or et autres régales. Cigognac et Isabelle ne pensaient qu'à leur amour et, contents d'être ensemble, ne retournèrent pas même la tête pour voir encore une fois à l'horizon les toits bleus et les murs vermeils du château.